C'est vous autres qui m'avez envoyé une image. Genre, si tu tapes dans Google, What kind of animal is Sonic? Google autocomplete en rajoutant The Hedgehog. Ça devrait être drôle. Alors les gens sont comme, What kind of animal is Sonic the Hedgehog? Probablement un babouin. J'allais dire carcajou. Tu vois, c'est pas si clair qu'on peut le penser. Hein? C'est lui qui est bleu, là. T'as-tu vu le jeu auquel j'ai joué? Oh non, Anne-Marie. Quoi? Nous sommes le 21 septembre. Épisode de On a juste une vie, épisode de fuck, c'est ça qui arrive quand je commence sans voir ma maudite feuille de route. Colin! Épisode 170, Anne-Marie, je suis Nerf. Je suis Globe. Je suis Anne-Marie. Mais je sais, je l'ai dit. Oui. Je sais pas pourquoi, par exemple. Mais tu l'as dit. Oh non, Anne-Marie! T'as pas joué à Idle Pouring? Oui! T'as-tu vu passer ça? Hey, moi, les annonces... J'ai toujours dit que les annonces sur Internet, c'était un peu de la merde parce qu'ils montraient des affaires de jeux qui m'intéressaient pas. Jusqu'à ce qu'ils montrent des Idle Games! Tu sais, quand on dit les compagnies, ils savent toutes de nous, là, ils savent exactement parce qu'ils ont... Puis moi, j'étais comme... Le jour où ils vont me montrer des pubs de jeux vidéo au lieu de me montrer des savons pis des couches pour bébé pis des robes de mariée, on s'en reparlera. Le jour est arrivé que là, ils me montraient des jeux, mais c'était genre... Call of Duty pis... Ouais. Non, c'était plus comme genre Destiny pis... L'autre, les jeux mobiles là, de Mobile Strike et compagnie. Clash comme... of Clans, ouais. J'étais comme, c'est plus proche, mais vous êtes encore pas là. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vois? Des Idle Games qui ont l'air vraiment de la merde, mais des fois, il y en a des bons. Mais je suis surprise que tu aies vu lui parce que j'ai eu de la misère à le trouver sur le App Store. C'est qu'il y a quelqu'un qui me l'a partagé, puis il a de l'air comme à moitié traduit. Je suis comme quand Comment même cette surprise. Personne-là l'avait trouvé d'abord? Je sais pas. Mais c'est parce que moi, c'est ça. C'est que je vois des pubs partout sur Facebook. Ah ouais, dans le fond. Ben, moi, ça fait... Il y a comme un gros... Je pense qu'en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, on dirait qu'il y a une grosse campagne marketing pour Ragnarok Online. J'arrête pas de voir des pubs sur le fait qu'ils vont envoyer leur jeu sur mobile, sur les nouveaux serveurs, plein d'affaires. Fait que pour moi, ils font un gros boom. Mais là, c'est ça. C'est un idle game sur Ragnarok Online. Fait que c'est pas le MMO. C'est Ragnarok Online. Ouais. Mais déguisé en Idle Game. Ouais. Mais ça a l'air que si tu connais le jeu, ça t'aide un peu, mais moi, je connaissais pas le jeu, fait que dans le fond, je sais pas. Je sais pas partout tout ce que je m'en veux. Parce que ça a l'air que ça, tu sais, ça a le rapport. Là. Mais ça, c'est le jeu... C'est-tu ce jeu-là? Attends, je dis que j'ai vu des pubs, mais je m'en souviens parce que j'ai vu le nom, parce que j'étais... C'est quoi ça, Idle Pouring? Mais des Pouring, si j'ai bien compris, là, c'est comme les petites slimes qu'il y a dans Ragnarok Online. C'est-tu pas où il y a plein de jeux qui ont des petites slimes? Genre Dragon Quest a des petites slimes qui sont des mascottes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a des petites slimes qui ont des mascottes aussi? C'est... Maple Story a des petites slimes qui sont des mascottes. Tout le monde a ça, genre. Mais c'est petit... Pourquoi. C'est cute. C'est cute, ouais, c'est ça. Mais sur Ragnarok Online, apparemment que ça s'appelle les Pouring. Ouais, parce que ça fait comme pudding. Ouais, est-ce que ça fait tellement pudding. Pas de sens, sinon? Ah, ça a l'allure. Ça a l'allure. Moi, je pensais que c'était un jeu de mots avec, genre, boring. Fait que c'était idle boring. Ben, ouais, aussi, je me demandais si c'était comme, ouais... Pouring, comme dans pouring over quelque chose, ça veut dire que tu travailles comme vraiment fort sur quelque chose. Là. Fait que. Ah oh ouais. Je sais pas. Sinon, l'autre option, c'est que c'était un jeu où on s'exfolie les pores de peau. Waouh! C'est un idle game! Fait que c'est pas qu'on le fait, c'est que ça se fait tout seul! Ça c'est comme idle watching paint dry. Watching quoi? Watching paint dry. Man, moi je ferais un jeu de voir du gazon, un idle game de voir du gazon qui pousse. Je veux dire, on a eu Minecraft avec une échelle logarithmique, fait que genre le dernier pixel qui est humainement capable de pousser, ça prend les derniers 100 ans de ta vie. Puis, oh mon dieu! Peut-être pas en échelle logarithmique, mais. mais non, au contraire, c'est un idle game. Fait que là, le gazon, mais... quand t'achètes de l'engrais, puis il pousse plus vite. Ouais, mais ça prend toujours plus de temps avant d'aller au prochain niveau. Fait que oui, c'est sur une échelle logarithmique. Ah. Quoi que j'imagine que ça serait plus drôle si c'était exponentiel, puis que c'était un jeu absurde, fait que ton gazon, genre, il dépasse la taille de l'univers connu à un moment donné. Yeah. Oh my god! Là, on parle. Ouais, là, on parle. Là, on parle. C'est comme, comment ça s'appelait? Nobi Nobi Boy? Ah oui, qui ont fait le tour de l'univers. Qui ont fait le tour du système solaire, oui. Avec toutes les longueurs des joueurs. Pour faire grandir Girl, qui a maintenant fait le tour de l'univers. Wow! Comme la sonde. J'ai entendu un podcast cette semaine. Ça a l'air qu'on a pitché de quoi dans les années 70, puis que là, c'est rendu à la fin du système solaire. Voyagers. Star Trek. Peut-être. En tout cas. Mais c'est cool, Idle Pouring? C'est-tu du fun? C'est-tu un jeu? Et moi, j'ai la description du Google Play Store, si vous voulez. Je vais vous dire comment c'est le fun en lisant la description. Je trouve que ça doit être tellement bien traduit, là. Oui, c'est écrit « Aero Idle Pouring est un jeu officiel gravité autorisé Ragnarok de Idle Mobile. » Ouh! Continue! Dis-moi en plus! Est-ce que j'ai la suite? Sortie officielle Classic Aero World, Gravité, Ragnarok Online Licensed Game. Ramène tous les classiques de Ragnarok Online, découvrez... Ah, ça c'est bien traduit. Ça c'est mieux traduit. Il y a Design avec un E accent aigu. Ouh, c'est un design. C'est pour te le désigner. Ça disait aussi de découvrir le nouveau et le exclusif Aero Idle Pouring, virgule Pet Exploration, qui faisait partie du titre, mais ça fait pas partie du titre. Ouh. Tout ce que vous aimez à propos de Ragnarok avec une touche moderne. Ben ça va, j'imagine. Ah, c'est très moderne. Ouais, c'est ça. Taille automatique, comme niveau pas, up, 24-7 sans arrêt. Niveau up, 24-7 ouais. Sans arrêt, oui, OK. Vous offre plus de liberté avec le système de battage automatique sans arrêt 24-7. Mon Dieu. C'est pour faire tes œufs, ça, quand tu fais des crêpes, tu pognes ton batteur, puis là, tu fais boum, automatique. Sans arrêt 24-7, tes œufs, battage automatique. Ils vont monter en neige. Là, il est déjà battu dedans. Ah, ouais. La meilleure ligne, c'est Combat Pets Epic Fights. Ah, ça, finalement, c'est... totalement pas traduit, dans le fond. c'est parfait. Le jeu sonne pas mal de même, là. Je l'ai changé pour en anglais, hein, parce que c'était pas beau, là. Mais même en anglais, c'est comme pas tant parfait non plus. Là, tu vois que c'est pas dans cette langue-là qu'ils l'ont codé, là. C'est quoi, c'est japonais? Ouais, c'est clair. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais il y a comme une chat room en même temps que t'es dans ton idle game. Fait que ton petit bonhomme, il avance tout seul, puis il se bat. Mais en même temps, il y a comme une chat room, puis ben, ils m'ont mis sur les chat rooms ben, françaises, là. Fait que attention. C'est un peu... Je pense qu'il y a du monde Anne-Marie, là. Ouais, il m'a dit qu'il faisait juste une autre game, puis là, il est rendu dans une autre game. Fait que je suis pas très, très contente. Mais bref, pour les auditeurs, mon copain à côté joue à PUBG. Puis à chaque fois qu'il me dit juste une autre game, c'est jamais vrai. Il y en a d'autres. Il y a un autre game. Pourquoi on parle pas de ce jeu-là? Ça a l'air intéressant aussi. Mais après. Pour vrai, je sais pas si vous avez vu, par exemple, parlant de PUBG cette semaine, les chiffres de joueurs concurrentiels ont dépassé ceux de Dota. C'est rendu le jeu numéro 1 sur Steam. Tant mieux. Mais comment je comprends ça, pas, c'est tellement lit. Ben, Dota, c'est plate. Tant mieux, je sais pas. Je suis dans, c'est pas mieux, mais. Ah, j'aime les jeux. Ah, c'est l'air, c'est genre, il y a un mode de jeu, genre. Il y a un mode de jeu, il y a une map, pis le monde s'écœure pas. Parce que ça veut dire que du Battle Royale, c'est le fun à ce point-là, genre. Ben, moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'était. C'est que la. Pour une fois, là, ils ont compris ce que c'est de créer un suspense intéressant dans un jeu vidéo. Puis je dis pas qu'il y a pas d'autres jeux qui l'ont fait, là, parce que c'est pas, ils ont pas inventé ça, là, mais tu sais, le suspense dans une émission de TV, genre, l'exemple facile, c'est genre, si t'écoutes la guerre des clans, là, puis que tu te demandes pourquoi que le round 2 il compte x2, puis le round 3 il compte x3, puis qu'à la fin il y a le fast money round que tu fais plein d'argent en une minute, là. Mm-hmm. Mais c'est ça. C'est, c'est le build-up. Ça fait un build-up. T'sais, au début, tu fais des points, puis là, genre, une équipe prend de l'avance, puis là, t'es comme, ah oh, non, l'autre équipe est dans la merde. Puis là, le deuxième round est x2. Fait que là, je suis comme, s'ils répondent juste à une question, ils viennent de battre le score du round 1 de l'autre équipe, puis là, ils sont encore dans le game. Puis là, t'arrives au round 3, puis là, c'est x3. Puis là, t'arrives au dernier round, puis là, c'est fast money, puis là, ça va super vite. Puis là, c'est comme bang, bang, bang, bang. Puis là, ils vont, les deux équipes montent super vite. Puis là, c'est comme, il y en a une qui gagne. Mais c'est comme, c'est la même chose que Mario Kart qui te met des élastiques. C'est pour que, genre, il y ait toujours une chance de... Ouais, ben, des trucs qui pètent le premier, dans le fond, là. Ouais. Mm. C'est Heroes of the Storm l'ont fait bien. Moi, à Clash Royale, ces temps-ci, tout le temps, ils font bien aussi. T'sais, comme, t'as 2 minutes au début où ce que c'est comme normal. Puis là, la dernière minute, c'est c'est 2 fois plus de mana. Genre, ta mana monte 2 fois plus vite. Fait que tu peux spawner 2 fois plus de bibittes dans le même temps. Okay. Là, ça fait comme, oh shit, c'est tellement intense. Puis là, s'il n'y a pas un gagnant à la fin de cette troisième minute-là, là, t'as une minute de sudden death. Puis là, sudden death, ouais. Le premier qui pète une tower, il gagne. Puis là, c'est comme genre, oh, la pression, shit. Puis là, t'es comme, oh, je vais-tu réussir à pogner? Puis là, l'autre est en train de gruger ta tour d'en bas. Puis là, t'es comme, oh, je vais-tu l'avoir avant lui? Genre, c'est du bon tension. Puis. Mais ouais, ils ont vraiment réussi ça, là. Parce que Marc-André, il en a essayé, mon copain, il en a essayé vraiment beaucoup des jeux de Battle Royale. Puis, tu sais, dans les podcasts aussi, là, on entend Idle Toms, il en parle. Waypoint Radio, il en parle tout le temps aussi. Mm-hmm. Les gens se créent des histoires. Je pense que c'est ça qui est vraiment spécial, là. C'est qu'il y a, genre, ce que le monde tripe vraiment, c'est que des fois, ils jouent une game, puis il y a vraiment eu une histoire au final. De, genre, on s'est mis en équipe ensemble, puis finalement, il est arrivé ça, puis là, je savais plus si c'était de mon bord. Puis, tu sais, il y a toujours des trucs, mais les games sont pas trop longues pour que ça s'éternise tout le temps, ou c'est pas juste du survival. C'est des games, puis ça roule. Puis quand tu meurs aussi, je pense que tu peux tout de suite rembarquer dans une autre game, à moins que tu attends après tes amis. Là. Mais si t'es seul, tu fais juste rembarquer dans une autre game, fait que t'as pas à attendre que tout le monde meure, puis avoir la fin du jeu, tu peux tout de suite rembarquer dans l'action. Fait qu'apparemment que c'est un des trucs qui est très, très apprécié de PlayerUnknown's Battleground. Mais c'est quand même... ce que j'avais entendu aussi comme interprétation que je trouve intéressant, c'est que ça a battu Dota, mais Dota, c'est gratuit. PUBG, ça coûte 35$. C'est quand même impressionnant qu'il y ait plus de joueurs concurrentiels en même temps qu'un jeu qui est gratuit. C'est fou. Ben, Ils ont comme vraiment fait juste une formule gagnante, là. Je veux dire, je vais pas caler que c'est un jeu révolutionnaire, là, mais les jeux révolutionnaires, il y en a de temps en temps. Puis celui-là, ouais, mais moi aussi, je trouve pas que c'est révolutionnaire. C'est ça l'affaire. Ben, ils ont le pacing. Je sais pas. Ouais, c'est ça, ils ont le pacing. Puis, c'est ça. Je pense que c'est les premiers qui ont réussi à bien faire ça. Parce qu'avant, c'est H1Z1 King of the Kill. Puis, genre, on dirait que la plupart des gens ont bougé de ça à PUBG. Je peux en même temps soucier un genre en général, tu sais, cette espèce de genre des survival avec du looting dans une grosse map avec beaucoup de joueurs. Tu sais, ce genre de jeu-là, il y en a comme pas mal. Là. Puis là, à chaque fois, il y en a un qui trouve une petite variance. Et là, c'est des petites games, tu sais, tandis que, mettons, Daisy, c'est genre persistant, je pense, ça finit jamais. Fait que, tu sais, t'as comme le thrill, la survie, puis tout, tu rentres, tu sais pas, il va falloir que tu te démerdes avec ce que tu trouves sur le terrain et tout, mais comme... C'est persistant, fait qu'il n'y a pas vraiment de début puis de fin. Tandis que là, tu sais, il y a comme tout le temps un gagnant. Genre. Mm-hmm. Puis la game, il faut inévitablement qu'elle finisse parce que la zone de jeu se rétrécit, fait que ça va pas rester genre qu'il y a deux gars là chacun là bout de la map qui se snipe pendant une demi-heure puis qu'il n'y a pas de gagnant. Là. Il n'y a pas le choix d'avoir un gagnant à un moment donné. Fait que mm-hmm. ça doit aider beaucoup pour le pacing. Ben oui, non. Il y avait tout ça dans... Je pense qu'ils ont fait un mode... Ça se peut-tu qu'ils ont fait un mode spectateur récemment aussi? Dans PUBG? Ouais, ou qu'ils sont en train de le développer. Hein. PUBG. Pourquoi qu'ils l'appellent juste pas... PUG? Je sais pas. Ça mais non, c'est Battleground. C'est PUBG. Donc, ça devrait être Player Unknown Ground. Ouais. Puis là, il y a des chiens. Ah non, il y a rien de... Il y a rien de sorti sur le mode spectateur. Pourtant, c'est Adult Thumbs qui a parlé à un moment donné. Pour moi, ils sont peut-être en train de... Je pense que Adult Thumbs, ils s'imaginaient comment un mode spectateur fonctionnerait, puis ils voulaient qu'il y en ait un. Peut-être. Je pense que c'était plus ça. C'est peut-être ça. L'abréviation me fait penser au monde de Magic où il y a plusieurs années, quand ils ont fondé Magic Online, ça s'appelait Magic Online Digital Object. Digital Object? Ouais. Parce que t'as des cartes digitales. Et ça faisait Modo? Ouais, Modo. Parce que les gens qui à l'ancienne, qui jouaient ça dans le temps, ils appellent encore ça Modo. Master, c'est Magic the Gathering Online. Ça se dit beaucoup moins bien. Ça fait Mythgo. Mythgo. Magic the Gathering. Ouais, je peux tout le temps compter sur le monde pour essayer de trouver une façon de prononcer ça. Mythgo. Genre, c'est clair. Ouais. Fait que Modo, ça va plus vite. Plus délicat. Ouais. Mais Digital Object, c'est bizarre. Je sais. Il y a une espèce d'historique derrière ça. Là. Il y a quelqu'un qui a été payé pour trouver ce nom-là. Ah, c'est sûr. Ah, d'accord. C'est sûr. Mais, ouais, on parlait de Idle Boring, ouais. Mais là, je voulais l'amener parce que je viens de commencer à jouer, là. Mais là, je me sentais mal parce que Narf nous a annoncé la semaine passée qu'il arrêtait de jouer à Clicker Heroes. Ben là... Tu sais que ça y ressemble vraiment, tu sais. Fait que je veux pas te rembarquer dans une nouvelle drogue tout de suite quand tu viens d'arrêter la drogue. Ça devrait pas, parce que des jeux comme Clicker Heroes, j'en ai essayé plein sur téléphone, puis c'est le fun pendant un petit bout, puis je me finis par me tanner, puis je finissais par rester toujours avec Clicker Heroes, parce que il était là, parce qu'il était toujours sur mon ordi ouvert à un moment donné. Tu sais, un jeu sur téléphone, à un moment donné, tu peux finir par l'oublier. Parce qu'il n'est pas ouvert tout le temps. Genre, tu passes à l'autre chose, puis tu cliques plus dessus. Ouais. Puis, parce que, genre, c'est un jeu sur téléphone, faut que tu l'ouvres, ça prend du temps, c'est long. Même si ça prend 5 secondes, c'est comme 5 secondes de trop, alors que Clicker Heroes, il était comme toujours là. Genre, il était toujours un seul clic proche. C'était un ami qui m'accompagnait dans les moments difficiles et les soirées. Dans la nuit noire. Tant, tant, tant. Je sais pas si Idle Boring est sur Steam. Et boy! Ça, c'est plus dangereux. C'est aussi ce qui était bien aussi de Clicker Heroes, c'est à quel point la monétisation était tellement pétée. C'est ça qui était bien parce que le vu que le store était pété puis que le balancing économique était pété, t'avais l'impression de tricher. Alors qu'un jeu free to play qui aurait été bien balancé, t'aurais fait comme ah là ils veulent mon argent. Mais là, mais quand tu jouais à Clicker Heroes, c'était plus comme genre, ha ha ha, vous pensez que vous allez m'avoir, mais check ça, j'ai trouvé une manière de contourner, ha ha ha, j'ai plus besoin de vos gems inutiles. Fait que, ouais. M'avais-tu mis de l'argent là-dedans? Dans Clicker Heroes? Ouais, je me souviens pas. Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Je me suis dit que je devrais probablement, vu le nombre incroyable d'heures que j'avais mis dedans, je me suis dit peut-être que je devrais comme acheter un. En fait, c'est ça qui... Oui, non. C'est ça. C'est... Je me suis dit, je devrais m'acheter un petit pack à 2$. Genre, juste pour leur donner 2$ pour les encourager. Mais là, j'ai vu combien de gems ils me donnaient avec le pack à 2$. Puis j'étais comme, really? Juste 20 gems, mange de la crotte. Je n'aurai pas mon 2$. 20 gems, blob. Ouais, moi aussi, je veux ça. Avec 20 gems. Je voulais donner de l'argent à un jeu pour enlever les pubs. Puis je savais pas quel package acheter parce que je trouvais que c'était tout de la merde. Mm. Ouais. Fait que finalement, t'en achètes aucun. Puis ils ont pas d'argent. Genre, c'est triste. Bon, mon chum, tous ses amis jouent encore à PUBG, fait que je vais genre tranquillement migrer vers mon portable que j'ouvre là. Puis migrer de pièces. Oh! Et donc, migrer de d'Internet. Ouais. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça, on a réalisé l'autre jour que mon Internet va pas bien parce que... Ben, parce que mon ordi est sur un fil, puis sinon, il faut que je sois sur le Wi-Fi. Fait que... On n'est pas sur le même... On n'est pas sur le même étage que le Wi-Fi. Ouais. Tout va bien. Bon. Ben, on va te laisser faire ça. Puis pendant ce temps-là, on peut prendre une pause, en fait. Je suis mal, je t'apprends à parler d'Idle Pouring. Non, il était un peu tôt pour une pause. On prendra ouais, il est bien trop tôt pour une pause. Même si j'ai soif que ma bouteille est vide. Pendant qu'il parle pas, là, on peut en profiter, là. Idle Pouring. Mentionner des affaires. Hein? Moi, j'étais pour mentionner des affaires. Vas-y. Ah, mais vas-y. Ceux qui jouent ou qui jouent pas à Egg Inc. Ah, oui! Ils ont, annoncé qu'ils ne feraient plus d'update. Fait que là, si vous voulez vous dire « Ah, je peux me rendre au dernier œuf puis il n'y en aura plus après », vous avez une chance de finir le jeu. Mais là, c'est ça, pas... J'ai eu d'installer sur mon téléphone pendant 1000 ans puis finalement, je n'ai jamais joué. C'est vraiment pas. Le fun. Ouais, oui. OK. C'est tout cute. Mais là, ils ont... Moi, je pensais pas que c'était ça que tu allais dire, en fait. Ce que j'ai vu qu'ils ont annoncé, c'est le mode AR. Tu peux avoir ta ferme en AR. Puis ils ont donné un nom vraiment con, genre Farm on a Table, Farm Table, une affaire de même. C'est le mode. OK, non, j'avais pas vu ça pantoute. Puis là, tu vois ta ferme sur ta table. Puis là... C'est donc bien cool. Puis là, c'est du AR. Wow. Ouais. Je l'ai pas essayé. Je devrais probablement... Ne serait-ce que pour tester si mon téléphone est compatible, mais on m'a dit que mon téléphone ne serait pas compatible, il me semble. Puis, de toute façon, j'ai pas encore fait la mise à jour d'OS. Fait que ça a l'air que j'aurais pas le mode. Mon Dieu, Anne-Marie est en double. Ah. On a double Anne-Marie. Oh, on a double Anne-Marie avec deux angles de caméra. Wow! C'est tellement palpitant. C'est drôle. Ça marche quasiment. Tu devrais utiliser les deux. Non, faut que je change de pièce. Mais oui, non, c'est vrai. C'est quand même marrant. Vous m'entendez, pis tout? Alors, on va voyager. On part à l'exploration. Ouh. De l'appartement de la mer. Hey, ça fait de la maudite bonne radio, ça, mes amis. Hey, ça, c'était cœur, hein? Mais regardez. Regardez à la radio, ben oui. Regardez ce que vous entendez. On entend, on ça entend. Fait, rien. Ça me fait penser, j'ai commencé à écouter... Tu sais, l'autre jour, ta blonde, elle riait super fort, puis on l'entendait en arrière, là. Oui. Parce qu'elle écoutait Critical Role, là. Oui. J'ai commencé à écouter ça. C'est bon? C'est vrai que c'est écœurant, mais crime des fois quand s'il montre, mettons, la table de jeu puis tout, là, c'est là que ouais, tu dis c'est le désavantage de l'écouter en podcast, mettons là. Ah, toi tu l'écoutes en podcast? Oui. Ben là. Parce qu'elle, elle l'écoute sur genre YouTube. Oui, ben oui, ils sont sur Twitch, sur YouTube, ouais. Mm-hmm. Mais c'est ça, moi, c'est parfait pour écouter pendant que je travaille. Mais ouais, j'ai commencé à écouter deux podcasts. T'écoutes des podcasts en travaillant, toi? Ah, j'écoute genre 6 heures de podcast par jour à cette heure. Ça n'a pas tant de bon sens, là. Mon Dieu, mais comment tu fais? Mais je travaille tout seul. J'ai des écouteurs. Puis ce que je fais, c'est des choses comme manuelles. Ah, OK, I guess. Mais. S'il faut que je réfléchisse trop, je l'arrête, là. Mais tu sais, je travaille dans un labo, fait que je fais des trucs manuels. Puis, ce temps-ci, je fais tout le temps la même expérience à tous les jours, fait que ça devient comme une routine. Puis ben, j'écoute du monde jouer à Donjons Dragons toute la journée, là. C'est cool. Mais c'est ça, j'ai commencé à en écouter deux en même temps. Puis c'est vraiment une mauvaise idée. Binaural? Non. Un dans chaque oreille? Mais je suivais comme tous les deux, puis là, j'ai comme arrêté, là. Je pense que je vais mettre Critical Role sur la glace, puis je vais finir celui que j'avais commencé d'abord. Parce que j'ai commencé à me mêler entre les personnages. Mettons, les deux games ont un druide. Ben, genre, une elfe druide. Les deux games ont une elfe druide. Donc là, je suis tout mêlé. Il y a trop de ressemblances. Mais, en fond, c'est ça, Critical Role, j'en avais entendu parler par toi, puis par peut-être d'autres mondes, je pense. Puis il y a Gab du podcast, qui m'avait parlé de Acquisitions Inc., de C-Team, qui est comme la game de Donjons Dragons des gens de Penny Arcade. Mais ils ont comme fait une équipe à part, puis le DM, c'est Tycho de Penny Arcade. Fait que ça aussi, c'est pas pire. C'est moins hot que Critical Role parce que c'est pas des voice actors. Fait que, tu sais, ils ont quand même des voix cool, puis la game est cool, là. Mais comme Critical Role, c'est parce que c'est réellement des acteurs, là. Fait que le barbare, quand il fait sa voix de barbare, c'est à se pisser dessus de manquer bon, là. C'est vraiment drôle. Il a fallu que je demande à ma blonde, genre, le gars, là, c'est-tu sa vraie voix? Puis elle fait, ben non, niaiseux. Mais c'est un acteur, tu sais. C'est comme trop consistant, trop tout le temps. C'est parfait, là. Le... Ils ont-tu comme un Dragonborn? Ils ont comme un mage aussi, avec une voix un peu bourrue, là. Lui aussi, quand il se met dedans, c'est super drôle, là. Elle m'a dit, ah oui, il y a une fille... Elle dit, j'ai finalement retrouvé c'est qui sa voix. C'est qui? Elle dit, c'est Jaina. Jaina dans Hearthstone, Jaina dans, j'imagine... Jaina Proudmoore, dans WoW. Dans WoW, mais moi, je la connais comme Jaina dans Heroes of the Storm. C'est vrai. Ben, en fait, ou dans Hearthstone, là, au début. Mm-hmm. Jaina Proudmoore. Ah, I'm here to help. Now, that's a magic moment. Mais c'est peut-être elle, la druide, justement. Ouais, ben c'est ça que ma blonde a dit. Elle dit c'est elle. Puis là, je l'écoutais, puis j'étais comme, non, c'est pas vraiment sa voix. Puis elle fait, mais non, c'est parce qu'elle fait pas sa voix de Jaina. Oui, elle avait juste sa voix normale, d'être humain normal. Mm-hmm. C'est vraiment... Ça m'impressionne beaucoup, là. Parce que, mettons, c'est ça, le barbare, là, j'écoute un podcast, là, mais le gars qui joue le barbare, quand il parle dans sa voix de barbare, je sais que c'est lui, mais quand il parle dans sa voix normale, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui parle. C'est trop différent, là. Sa voix n'a absolument rien à voir, là. Fait que, genre, j'écoute, je suis comme, c'est qui parle? C'est deux personnes différentes. Oui, c'est ça. Ils sont nombreux, là. Ils sont nombreux comme joueurs, quand même. Fait que c'est un peu... En podcast, c'est pas tant facile de savoir, là, c'est le tour à qui, puis... Mais à date, c'est vraiment super bon. Ils sont drôles, là. Ils ont des idées tellement drôles. Ben, les deux, celui d'Acquisitions Inc. aussi, ils ont tellement des idées, des fois, que tu te dis, ouais, j'aurais pas pensé à faire ça. C'est super drôle. Fait que ça me fait passer à travers mes journées de travail répétitifs où je fais des Elisa toute la journée depuis des semaines. Des quoi? Des Elisa, blobissé. Puis moi? C'est vraiment dur à expliquer. C'est plus ce que l'acronyme voulait dire. Ah, mon même, moi, je sais pas ce que l'acronyme veut dire. Je fais des dosages de quelque chose dans de la salive d'enfant. Pour on savoir s'ils sont stressés. Wow! On croirait presque que c'est une expérience pour prolonger ta vie en utilisant du sang de vierge pure. Mon Dieu! Non, mais c'est dans des histoires de sorcières, tout le temps ça, genre... Non, c'est pour se baigner, ouais. Ils se baignent de sang de vierge, puis ils vivent jusqu'à 3000 ans. Moi, ça me fait peur un peu, étant donné que c'est ça mon signe astrologique. Yes! Hey boy. Ah, c'est vrai, c'était ta fête, le polon. C'est le... Ce qu'il faut se poser, c'est si le sang de blob est jaune. Oh. Que c'est un blob aux bananes. Mm-hmm. Ça doit être... Oh man! Ça goûte-tu le sirop aux bananes pour les otites? Je pense que oui. Pour les otites? Ben là, c'était pas pour ça, le sirop banane. Ah ouais, dans le fond, c'est un antibiotique. Moi, j'ai eu pour la bronchite, mais dans le fond, t'as raison, c'est la même affaire. Délicieux sirop banane. La crème glacée au banane. Mais en tant qu'adulte, j'aurais peut-être pris ça. Je pense que les éléments de base d'un sirop, qui sont le polyéthylène glycol puis le propylène glycol, quand tu les mixes, puis tu sens, ça sent déjà plus ou moins comme un peu les bananes. Ah ouais, pour vrai. Fait que là, ils ont juste mis plein de sucre là-dedans. Probablement un édulcorant non calorique ou quelque chose comme ça. Wow! Ouais, parce que... Peut-être qu'il y a du glucose ou quelque chose, là, ça se peut. Excuse-moi, j'ai... Ah, mais peut-être pas non plus, parce que si c'est un médicament, tu veux pas genre que tu donnes ça à un enfant diabétique puis il te pète une crise, là? Genre, ouais. OK, ouais. Donc, peut-être plus mettre de l'aspartame ou du fructose. Maltodextrine, peut-être. Ouais. Ça rend les choses sirupeuses puis ça goûte pas tant que ça. Ah, ben voilà. Comme du bon sirop banane bien onctueux. Oh là là. On parle encore de mon sang, là, juste pour être sûr. Ben oui. D'accord. Bon, on a-tu des sujets dans ce podcast-là? Ouais, là, ben pour vrai, là, j'ai pas joué à grand-chose d'autre à part Elder Boring de nouveau, là. Mais je vais jouer Game of Thrones Telltale. Ouais, c'est vrai, ben il était là les autres semaines. Mais... Tu l'avais-tu joué? L'aviez-vous joué Game of Thrones Telltale? Non, parce que Game of Thrones, on m'a dit qu'il fallait avoir écouté la série ou lu les livres pour pouvoir comprendre les jeux, fait que j'ai fait fuck this. Ouais, c'est vrai, hein? J'ai pas pensé à ça. C'est vrai. Alors, pour jouer à celui de Telltale, il faut avoir vu la série, sinon tu vas être complètement perdu. C'est le même personnage, puis c'est les mêmes, c'est les acteurs de la série qui font les voix des personnages dans celui de Telltale, fait que c'est quand même intéressant. Ouais, fait que leur visage est reproduit dans le jeu avec l'esthétique Telltale. Ça, c'est juste carrément weird, là. Ben, les personnages ont comme la tête un peu plus grosse par rapport au corps, mettons, mais comme pour un jeu vidéo, ça fit, mais quand c'est des visages que tu connais déjà sur des vraies personnes, c'est pas très beau. Ils ont pas un peu des gros yeux aussi, il me semble. Ouais, ça se peut, ouais. Mais tu sais, comme les personnages inventés, comme les personnages que tu incarnes, puis tout, ça fait tout du sens, là. Mais quand c'est les visages des acteurs pis que tu sais réellement quoi qu'ils ont de l'air dans la vraie vie, il y a Tyrion qui a de l'air correct parce que lui, déjà, sa tête est comme plus grosse par rapport à son corps. Mais, mais comme Cersei, c'est vraiment weird. Marjorie aussi. Ouais, c'est tout vraiment weird. Mais bref, moi, j'avais pas entendu des bonnes critiques. C'est pour ça que je veux savoir si vous aviez joué notamment. Là, j'avais pas entendu des bonnes critiques par rapport au jeu de Telltale et Game of Thrones. J'avais entendu dire que l'épisode 1 est bon puis que ça va juste en descendant à partir de là. Fait que pour l'instant, j'ai 2 épisodes de jouer, donc je peux pas vraiment dire. Est-ce que le 2 était moins bon que le premier? Pas tant, non, c'était correct. Ah, c'était correct. C'est juste que, déjà même dès le premier épisode, on voit un peu le classique Telltale, qu'il arrive quelque chose de vraiment tragique, puis tu te dis, ben là, j'ai fait des décisions qui m'ont amené à ça, est-ce que j'aurais pu prendre une décision qui aurait fait que la chose tragique serait pas arrivée? Non. Non. Amen. T'as comme vraiment l'impression que tu peux, genre, probablement gamifier ça puis passer à côté, là, mais genre, de voir l'épisode 2 par rapport au 1, il y avait aucun moyen d'empêcher la chose tragique, genre. Aucun moyen. C'est comme un peu triste. Non, mais c'est l'illusion. Ouais. L'important, c'est que tu y penses. L'important, c'est que tu y crois. Mais tu sais, je comprends pourquoi les gens sont déçus. Parce que quand t'es un gamer, tu dis tout le temps, genre, il y a un moyen, il y a une porte de sortie, il y a un moyen de... S'ils mettent ça devant ma face parce que je vais être capable de contourner ça, puis jouer avec ça, puis... Oui, mais est-ce que l'événement tragique était de ta faute? Ben, ils ont... j'ai un peu l'impression. Genre. Ah, OK. Parce ouais, ça me donne un peu l'impression que c'était de ma faute. Parce que tu vois, j'aurais... Là, je dis ça un peu sans y avoir trop réfléchi, mais j'aurais pourtant cru que les jeux de Telltale, quand il y a de quoi, t'as pas de choix, mais c'était pas nécessairement de ta faute. Fait qu'il y a pas un de tes choix qui a... Genre, c'est pas comme si... J'ai l'impression que c'était un peu de ma faute, mais je suis sûr que si j'avais fait tout en sorte pour pas que ça arrive... Ça serait arrivé pareil, puis j'aurais pas eu l'impression que c'était de ma faute. Ça serait arrivé pareil. Ah, OK. C'est juste que j'ai l'impression que de ce que j'ai fait, ben là, genre, on dirait qu'il fallait que ça arrive parce que j'ai couru un peu après, là. J'essaie de penser, tu sais, comme des fois, quand ils te donnent un choix, genre, il y a 2 crimes qui sont en train de se produire. Est-ce que tu vas voir le premier ou tu vas voir le deuxième? Ah ouais, ça, c'est le plus urgent. Ouais, ben, ouais. Puis, j'imagine que l'ordre dans lequel tu y vas, ça change un petit peu. Mais... C'est pas parce que tu peux arriver trop tard pour quelque chose. Ouais, mais peut-être que non. Tu sais pas. Parce qu'on le sait pas. Tu sais pas. Ben, en fait, on le sait pas, mais pour avoir checké des... Qu'est-ce que j'avais voulu faire? C'était dans... Dans Tales from the Borderlands, il y avait un moment où j'ai... Je sais pas si c'est parce que je suis mort, puis là, ça te fait recommencer. Puis là, j'avais... Où je voulais voir quelque chose de précis. Fait que j'ai comme essayé plein de combinaisons d'une même scène. OK. Puis, tu voyais... C'est là que tu vois que genre... Ouais, le dialogue est vraiment linéaire. Puis moi, je sais pas, moi je trouvais ça cool de voir genre... Ah, c'est intelligent comment ils font ça pour quand même te ramener sur le fil de la conversation. Même si t'as dit d'autres choses. Puis, genre... Même si au final ça reste pareil, t'as pas les mêmes jokes. C'est pas. Ils vont pas réagir pareil. C'est un moment où c'est une situation tendue entre le personnage principal, un méchant, puis un nouveau plus méchant. Puis là, c'était comme. Tu pouvais s'aider plus vers un ou vers l'autre. Puis là, tu sais, ça changeait comme la dynamique. Même si au final le méchant il se faisait tuer, genre. Ouais. Mais c'est ça, c'est Game cool. of Thrones, fait qu'il y a du monde qui meurt, puis là c'est ça, tu te demandes est-ce que j'aurais pu faire quelque chose ou pas. Tu sais, c'est sûr, c'est Game of Thrones, fallait que ce soit brutal, là, donc tu sais, le premier épisode c'est vraiment, vraiment brutal. C'est pour ça, ben j'imagine c'est pour ça peut-être que les critiques ont été bonnes, je sais pas, mais c'est vraiment sauvage. Mais à date, j'ai trouvé ça très bien. Je sais vraiment pas comment ça s'enligne, mais t'incarnes plusieurs personnages dans la même famille. Fait que tu sautes d'un endroit à l'autre, puis d'un personnage à l'autre, un peu comme dans les livres, là. Donc, tu vois qu'il y a des gens qui sont dans le nord, il y a des gens qui sont dans le sud, au Palais Royal, il y a des gens qui sont sur un autre continent. Ben là, c'est un peu ça, tu sautes de l'un à l'autre aussi. Fait que ça donne vraiment un petit feel, comme quand t'écoutes la série, de sauter d'un endroit géographique à l'autre, là, donc d'un storyline à l'autre. Puis là, je présume que tout, au final, va converger ensemble et faire du sens. Et vu que les gens ont été découragés de la fin, ben là, j'essaie de pas mettre mes attentes trop élevées. Ouais. À défaut de converger vers du sens, peut-être que ça va converger vers du sexe. Ouais, il y a-tu plein de monde, mais à date, il n'y a pas eu de... C'est vrai, à date, il n'y a pas eu de choses... Ben, c'est pas HBO. Ouais. C'était parce que ça prend un autre rating pour les jeux vidéo pour avoir de la sexualité aussi. Ouais, sûrement. C'est peut-être plus dur que juste avoir de la grosse violence gratuite. Ça, c'est pas grave. Ah, ça, de la grosse violence gratuite. Non. Si tout le monde meurt dans d'atroces souffrances, mais montrez pas des seins. Très atroce. Les enfants, ils ont jamais vu ça. Le studio est pas connu pour montrer ça. Non, ouais, c'est vrai. Je pense pas vraiment qu'il y ait... Telltale? Non, ouais, c'est ça. J'essaie de penser, le Wolf Among Us, y avait-tu des boules là-dedans? Non, je pense pas. Ah, mais il y avait des prostituées. Oui, il y en avait, mais oui, t'allais dans un bar de danseuse. Ouais, ça frôle la limite du film hollywoodien de bon goût régulier. Ouais, ouais, de bon goût. Ouais, ouais, parce que c'est la police du bon goût. Là, c'est vrai. C'est pas mon goût à moi, forcément. C'est le goût moral qui devrait exister. Oui, c'est ça. C'est celui qu'on connaît de ces films-là. Mais ouais, en tout cas, à date, je trouve ça bon, mais c'est vrai que ce que t'amènes de « faut avoir vu la série », ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon. Faut absolument avoir vu. Mais les autres jeux de Game of Thrones qui existent sur PC, je suis pas sûr que c'est nécessaire. Mais là, tu parles genre du petit platformer? Non, il y a comme un gros jeu third person. Ah ouais? Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. C'est peut-être genre juste Game of Thrones. Tu joues genre un dos de la Night's Watch dans le nord, puis tu joues un prêtre rouge. J'ai vu quelqu'un d'autre jouer. Colin. Bon, vous trouvez ça. Mais en tout cas, à date, j'aime bien ça. Là. Non. C'est un jeu tel, donc nécessairement, tu te dis, comment, là, j'arrive le soir après le travail, puis là, je m'installe, je me fais un souper, je m'installe avec ma bouffe devant l'ordi, là, j'ouvre le jeu, puis là, je commence à manger en écoutant les gens parler, puis là, tout d'un coup, il y a un QTE, ah! Puis là, j'échappe ma fourchette, puis je saute sur mon clavier, puis je le manque. Ah oui, avec le clavier. C'est comme ça que je joue à des jeux tel. Il y a plus de boutons. Mais c'est parce que tu... Avec une manette, ce serait pas mieux? Peut-être, mais c'est parce que t'es écoute jaser, fait que genre t'es plus sur tes gardes, là, pis là tout d'un coup, paf, fuck you, t'es là. Ah. Bref. T'es morte. T'étais ouais, pas ouais sur ça, tes gardes, mais... ça me fait tout le temps chaud. Bref. The Game of Thrones. Mm. Game of Thrones, the role-playing game. C'est ça? Bon. On peut parler d'autres choses aussi, c'est pas vraiment c'est grave. On peut sûrement faire ça. En fait, depuis tantôt, j'essaie de faire un lien. J'étais comme, comment je vais faire un lien? Ah, c'est Game of Thrones, a role-playing game. Critiques qui ont l'air vraiment pas tant hautes. Bon. Peu importe. Ben, un jeu licencié, il y a toujours le risque que ce soit assez ordinaire. En fait, tout ce qui est licencié, si tu as un film d'un jeu ou un jeu d'un film. Le. Ah, ben là. Les attentes trop hautes. C'est sûr que si tu parles du nouveau Tomb Raider, ça a l'air qu'ils viennent d'en annoncer encore un autre, le film. D'accord. Oui, mais ils basent sur le reboot du jeu. Sure. Fait que c'est moins une pitoune. Ah, ok. Fait que là, les gens sont quand même intéressés un peu plus, parce qu'elle ressemble vraiment à la fille dans les nouveaux jeux, là. Ah, Rise of the Tomb Raider, là. C'est plus chose? Non, c'est pas Angelina Jolie, hein. Non. J'étais pas loin. chose. T'étais pas loin. Ah, t'étais tellement pas loin. Ouais, je vais passer ça, là, les annonces sont sur YouTube, là. En plus, Nerf, je pensais que t'aimais cette actrice-là à cause du film Hacker ou Hackers. Ben oui. Ah, étais-tu là-dedans? J'ai-tu dit que je l'aimais pour d'autres films? Non, je pense pas. Ben, non, ben justement! Non, mais j'avais cru que peut-être tu te serais rappelé son nom, mais en fait, le mot-clé dans cette phrase, c'est « rappeler ». Je pense pas que c'est quelque chose que tu fais très souvent. Mais là, dans quoi d'autre que j'ai que Kajou que je l'aurais vu? Es-tu dans Star Wars? L'important, non, pas dans Star Wars! C'est de rappeler de son nom. C'est qui, Natalie Portman qui est dans Star Wars. Ah! Il se ressemble pas. Complètement différent. Mais oui, non, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait d'autre à part Monsieur et Madame Smith, mettons? Dans V for Vendetta, c'est Natalie Portman aussi, hein? Oui. Ah, oh, fuck. Mon Dieu. Bon, ben, c'est ça. C'est ça. Juste dans Hackers. Mais elle a clairement fait d'autres choses, mais je sais plus. Pas sûr. Super bon film. Ah ouais. Hey, parlant de bons films, j'ai-tu parlé de Kiki Delivery Service? Ça n'a absolument pas rapport de jeux vidéo. Ah, ça fait longtemps que j'ai vu ça, par exemple. Parce que ma blonde, elle veut pratiquer son japonais. Et là, j'ai dit comme... T'as plein de films de Miyazaki, là. C'est sûr qu'il y a la trame japonaise là-dessus. Mm-hmm. Oh, j'avais pas pensé. Ah! Fait que là, on écoute Kiki's Delivery Service en japonais. Bon, elle voulait les sous-titres en japonais. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que sous-titres japonais et bande sonore en japonais, j'aurais rien compris. Ah ouais, ok. De toute façon, il était pas sur le DVD. C'est dommage. Ah, c'est un DVD acheté ici? Ouais. Mm. Fait qu'il y avait la trame sonore japonaise, mais les sous-titres en anglais. Alors, on a écouté Kiki Delivery Service. C'est full bon! C'est full cute! Oh my god! C'est full cute! C'est full triste! C'est full tout! Mm-hmm. Non, Miyazaki, tellement bon! C'est un bon feel-good movie. Ça m'a redonné plein de joie de vivre dans des moments difficiles de job. C'était parfait! Bon. Hein? Plein d'espoir en l'humanité. Puis là, fait que là j'ai espoir d'écouter les autres. Parce qu'elle les a comme toutes. Elle a juste pas pognon. Mais alors... Ah oui, ben, il y en a beaucoup que j'ai pas vu. Faudrait que je me mette à jour à un moment donné. Princess Mononoke, Totoro, Le Howl's Moving Castle. Lui, je l'ai vu, mais je le réécouterai. Ouais, Spirited Away. Spirited Away, ouais. Mais ça, je l'ai déjà vu 1000 fois. parce que c'est full bon. En fait, je l'ai justement, hier soir, j'étais comme... Bon, là, je veux me coucher tôt, mais je veux pas... Il est trop tôt, là. Fait que je me dis, ah, je vais mettre Spirited Away. Ça va m'endormir. Puis je me suis presque endormi dessus. Mais je l'ai arrêté au bon moment. Puis là, j'ai fait, bon, je vais me coucher. Parfait. Mon objectif réussi. Alors, c'était nos recommandations au jeu. Comment? J'ai écouté zéro de ces films-là. T'as écouté zéro de films de Miyazaki? Ouais. Par contre, à l'époque... Honnêtement, là, c'est bon, en plus d'être beau. Ouais, ben oui. C'est vraiment même, bon, c'est vraiment même touchant. Les vieux films que tu dis genre, ah, oh, ça va avoir mal vieilli, c'est... Non, c'est... Kiki Delivery Service, c'est tellement bon. Mm-hmm. Ouais, même si c'est vieux, là. Même si c'est un de ses relativement premiers, là, en tout cas, c'est vieux. Spirited Away, c'est écœurant. Ouais, Howl's Moving Castle, c'est vraiment bon aussi, il me semble. Ouais, c'est juste qu'il est compliqué puis il y a un petit peu de problème de rythme. Là, vers le milieu. Quand tu dis genre, ah, ça finit bientôt, là, c'est comme, non, une twist, puis ça finit pas. C'est, oh, c'est bizarre, ça. Tu sais, d'habitude, un film... Tu sais quand est-ce que ça va finir. Tu sais, tu fais genre, ah ouais, là, ça va bientôt finir. Puis là, le ouais, film... Ouais, mais... Quoi qu'on parlait l'autre jour, le film Alexandre sur Alexandre de Troyes et Alexandre le Grand, là, mm-hmm. Et boy, qui finit pas ce maudit film-là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon, chum m'a fait découvrir une chaîne sur YouTube, là. C'est vraiment cool. C'est un gars qui doit être un historien ou quelque chose. Il prend des grandes batailles de l'histoire... Puis ils expliquent super simplement avec une carte. Genre, ils t'expliquent qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi ils ont gagné. Puis fait que là, ils expliquaient toutes les croisades d'Alexandre le Grand. Puis bref, je pensais à ça parce que c'était 1000 fois moins plate que le film avec Colin Farrell. Genre, complètement plate. Angelina Jolie est peut-être là-dedans. Full circle. Ouais. Ouais. Je pense qu'elle est là-dedans. En tout cas, c'était plate. Mais bref, le gars, il fait juste des maps, puis là, il promène des petits carrés dessus qui représentent les armées, puis il t'explique, genre, pourquoi il y avait un avantage stratégique, puis comment ils ont gagné, puis c'est super intéressant! Je me sens vraiment mal, parce que là, je parle de ça, puis je me rappelle pas c'est quoi, la chaîne. Ouais, je sais que mon père, il écoutait ça, il écoutait une série sur, des documentaires sur Historia, genre, ça fait... Ouais, c'est un peu comme ça, mais comme... En 5 minutes, là. Vraiment plus clair. Ben, peut-être pas 5 minutes. Mais... Puis là, il expliquait la bataille, puis là, il mettait des caméras en 3D. Ouh. Je pense qu'il utilisait un des jeux de militaire, de guerre, de pour comme engin 3D, là. Puis là, il mettait des petits bonhommes. Puis là, il te montrait, genre, de son point de vue à lui, il avait l'air d'avoir l'avantage. Mais là, il a perdu, parce que si tu mets la caméra de l'autre bord, puis que tu vois de son point de vue à l'autre... Là, tu vois qu'il voyait, mais l'autre, il savait pas, puis non, non, non, bon. Mm. Ce genre de choses-là, c'était cool. Ah, oh, c'est ça? C'était un peu comme un machinima, dans le fond. Ouais? Je sais pas. C'est pas ça. Ça avait l'air d'un jeu... Ça fait 10 ans, puis à l'époque, je regardais ça, puis je disais à mon père, mon Dieu, ça a donc bien de l'air lettre, ça avait de l'air d'un jeu de PS2, genre. Ok, ouais. Ça avait déjà comme 10 ans de retard sur les jeux. Je pense que je l'ai trouvé. Un petit peu comme un iPhone. Quoi? Un iPhone 10? Ouais. Pour ceux qui ont vu la charte, là. La charte? Ouais, il y a quelqu'un qui a fait une charte avec le Samsung Galaxy S6. Puis puis essentiellement, c'est très, très, très comparable. Même que le Galaxy S6 a l'air d'avoir un petit peu d'avance. Ouais. Donc, j'imagine il va pas être impossible à débarrer si tu te fais défigurer, genre. J'imagine que ce téléphone-là va gagner pour ses applications qui sont de meilleure qualité. En tout cas, j'y souhaite. Ouais. Mais bref, une petite note si vous voulez voir des batailles résumées super clairement. Là. Ça s'appelle Baz Battles, B-A-Z Battles en un mot sur YouTube. Puis c'est juste des grandes batailles de l'histoire qui t'expliquent super clairement avec des schémas, puis tu comprends vraiment genre pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi ils ont gagné, puis c'est vraiment super intéressant. C'est quand tu veux écouter de quoi de relax, mais comme quand même apprendre quelque chose. Hein. C'est vraiment chouette. Mais ouais, on peut... Hein? Oui, excuse, je vais dire, on peut bâcher sur l'iPhone 10. Ça va me faire plaisir. Non, mais c'est pas l'iPhone 10, Anne-Marie. Là. C'est l'iPhone X. C'est l'iPhone X. Mais c'est pas un peu volé de Microsoft pis sa nouvelle Xbox One X, ça? Si tu le mets, si tu prends ton iPhone X pis que tu prends sa boîte, pis que tu le sors de sa boîte, de sa iPhone X box, tu le mets dessus. Je t'écoute. It's an iPhone X on iPhone X box. Yep. Oh non, je sais où ça s'en va, là. Si tu prends un Xbox et que tu mets dessus le iPhone X box, bon, on peut continuer comme ça. Je peux t'en faire à l'infini si tu veux. Tu sais, ouais. Quand t'as rien à faire en revenant de la job, en marchant, tu peux t'en imaginer plein des comme ça. Va-t-il te permettre d'ouvrir ton téléphone le 31 octobre avec ton maquillage d'Halloween? Oui! Apple, c'est ça, là... Mon Dieu. Non, je sais, tu vas quand même pouvoir rentrer ton code, parce que moi, je débarre mon téléphone avec mon empreinte digitale, mais je peux quand même rentrer mon code. Mais ben là, il n'y a plus de lecteur de code, là. C'est ça, ils l'ont enlevé. L'empreinte nasale. Quand il y a des gants parce qu'il fait frais en octobre. Là. J'ai jamais pensé d'utiliser mon nez pour débarrer, pour voir si je pouvais enregistrer mon nez comme. Parce que moi je débarrais mon téléphone, mais c'était dans le temps qu'il fallait que tu le slides avec ton doigt. Tu faisais juste maintenant il faut que tu mettes ton doigt et qu'il lit ton empreinte. Mais est-ce que tu peux enregistrer ton empreinte de nez? J'ai pas essayé ça. Parce que moi au travail, j'ai tout le temps des petits gants, puis des fois je suis trop lâche pour les enlever pour juste changer de tune sur mon téléphone. Fait que je suis tout le temps après gosser dessus. Mais c'est ça, c'est que c'est super long pis chiant parce que là, je mets mon doigt sur le home button avec mon gant latex. Pis là, le téléphone, comme il sait que c'est un doigt pis tout. Pis là, il est vraiment mêlé parce qu'il est pas capable de lire les empreintes dessus. Fait que ça prend plein de temps avant qu'il me permette de rentrer mon code. Au lieu de juste lire l'empreinte, pis ça prend du temps avant qu'il catch. Genre, il y en a pas l'empreinte. J'ai des gants. Faut aussi juste slider l'écran pis là, tu vas rentrer ton code, me semble. Non. Non. Ou peser sur le piton. Non, tu fais juste peser sur le piton un petit coup vite. Mais boom. Ça marche pas avec des gants, parce que je pense qu'il est tout le temps après essayer de lire quelque chose, genre. Ben non, je le fais genre avec mon ongle, puis ça marche. C'est ton téléphone qui est poche. T'as bien raison. Pourquoi ça marche pas quand j'ai besoin de le faire dans la journée? Non, ça marche pas tout le temps. En tout cas. Bon. Moi, j'ai appliqué à ça quand j'ai besoin de changer de tune. J'ai une application qui change légèrement les fonctions de mes boutons hardware. Si jamais mon écran il est comme allumé, mais pas forcément débarré, et que je tiens mes boutons de volume, volume up, hold, ça change de tune par en avant. Puis volume down, hold, ça change par en arrière. Je suis vraiment jalouse. Mais t'as pas ça sur tes écouteurs? Non. Ah. Ben, y en a qui ont des écouteurs réguliers comme ceux que j'utilise pour le podcast là, qui servent juste à écouter des choses. Ouais, c'est ça que j'ai, mais mes écouteurs ça c'est le best. Mais de toute façon j'ai mis dans un petit moton, j'ai fou dans le fond de ma sacoche, après ça j'y reprends, je travaille, des fois ils tombent dans le congélateur moins 80 puis là ils marchent plus pendant un petit moment. Bref, je veux pas investir dans les écouteurs. Ben, t'as acheté des écouteurs à 5$ sur Monoprice avec une petite télécommande. En fait, c'est compliqué de pas aller sur Internet là, puis commander des affaires. Puis là, ça prend 3 mois à arriver. Parlant? Hey, Blob, si tu savais à quel point c'est un excellent segue. Ah? Ah oui, c'est vrai. Ce que je voulais raconter à soir. C'est bon, moi, au lieu de passer ma fin de semaine à jouer à des jeux vidéo tels que je l'avais prévu, mais non. J'ai passé ma fin de semaine à pas jouer à des jeux vidéo. Et à essayer de jouer à des jeux vidéo en VR mieux, sur un ordi mieux. T'as-tu vu qu'est-ce qui allait sortir en VR cette semaine? Quoi? Neko Hatsume. What? Qu'est-ce que ça donne? Je sais pas, ça a été annoncé au Tokyo Game Show que Neko Hatsume va faire une expérience en VR. J'étais peine trop heureuse. Nico, as-tu... OK. Fuck whatever ce que j'avais à dire. C'est sûr qu'il faut qu'on parle de Nico Atsume VR. Mais je suis rien de plus, là. C'est juste je voulais... Nico Atsume VR. Je voulais hijacker ton truc pour en parler. Mais ça a passé cette semaine parce que c'était le Tokyo Game Show, là. Fait qu'il y a comme beaucoup de petites affaires bien japonaises qui ont été annoncées cette semaine. Mais Nico Atsume en VR, là, ça pouvait pas être ben plus japonais que ça. Unexpected PlayStation VR release? Quoi? Je vais être obligé de m'acheter un PlayStation VR pour jouer à cette killer app? Oui! Wow! Yay! Collector de Kitty! J'espère que tu peux flatter. T'sais, j'espère que s'il y a bien une amélioration du VR, c'est ça, là. J'espère que tu peux flatter. Il n'y a aucune image, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ils ont juste un titre. Mais, attends, non. J'ai parlé trop vite. C'est juste un titre, mais le background derrière le titre, on reconnaît la maison et la galerie, le perron. Ouais. Mais là, au lieu de le voir d'en haut, c'est comme si la caméra était comme posée par terre. Ah, oh, peut-être qu'il était dans le point de vue d'un chat. Oui. Oh! Bref, tu peux continuer avec ce que tu dis. Alors, clairement, pour jouer à des expériences VR telles que Neko Atsume VR, que je souhaite fortement qu'il ne soit pas exclusif au PlayStation, j'ai commencé à regarder si je pouvais upgrader mon ordi. Mm-hmm. Et là, oh là là, toute ma fin de semaine... C'est tellement compliqué changer des pièces d'ordi. Toute la fin de semaine. Mais pas toute la fin de semaine. J'ai joué à Hot Sushi pas mal. Je veux dire, tu t'attendais à quoi? Ouais. Mais quand même, ça a l'air compliqué. Ben, c'est un ordi, ça a l'air facile. Tu dis genre, ça va être facile, ça va être compatible. Mais genre, c'est jamais facile puis compatible. Non. T'es toujours comme... Ah, mais il y a un site hein, pour les compatibilités. Ouais, mais c'est parce que moi, c'est pas... Moi, je joue à expert. OK. Moi, je joue à expert. Parce que moi, je n'ai pas n'importe quel ordi. J'ai un Alienware X51R2. Ce qui, okay, en langage commun, veut dire un ordi à peu près gros comme un Xbox. Rentre pas qui veut dans un ordi gros comme un Xbox. Ouais, tu joues en mode hard, là. Et alors là, j'étais comme, bon, OK. Alors, première étape, quelque chose que je voulais faire même avant de vouloir faire du VR, c'est mettre un SSD dedans. Bon, okay. Regarde des vidéos de comment mettre un SSD dedans. Alors, première chose, il n'y a pas de rack pour mettre le SSD dedans, car il n'y a qu'un seul rack et il est occupé à tenir le disque dur qu'il y a dedans. Fait qu'à moins de... Mais t'es pas supposé le modifier, je pense. Oui! Oui, t'es supposé. Absolument, tu peux... Toutes les pièces sont accessibles. Si je veux, je peux changer la RAM puis mettre deux fois plus de RAM. Si je veux, je peux changer le... Je peux changer le disque dur, je peux changer le CPU si je veux, genre. Bon, c'est un peu niaiseux parce que j'ai déjà un très bon CPU. Je peux changer la carte graphique. Jusqu'à ce que tu plugues de quoi dedans qui soit plus suffisant pour ton CPU. Fait que ton CPU est plus suffisant plutôt. Mais bref, oui. Ben non, le CPU, ça change pas tant que ça. En fait, j'ai un ami là, qui m'a beaucoup aidé. J'ai changé le mien, là. OK. Ah, changer de CPU? Ouais. Oh. T'as été capable mon ordi était vieux, là. Sans changer le board pis tout le reste? Ouais, non, on a tout changé. Ah. En fait, on aurait gardé le CPU, mais il faisait plus la job, c'est plus ça. Alors, tu veux installer un SSD là-dedans. Bon, il n'y a pas de rack, parce que le rack, c'est le disque dur, puis le disque dur, tu veux le garder, parce que c'est pas vrai que tu vas t'acheter un SSD de 1 TB à genre 450$. Alors, tu t'achètes un SSD de 250 gigs à 100$, puis t'es bien heureux. Sauf que là, tu le magasines, puis là, c'est comme, OK, lequel SSD? Il y en a à 100$, il y en a à 110$, il y en a à 120$. Ils ont toutes des petites différences, ils ont toutes des marques, puis là, tu dis, C'est une bonne marque, ça, Corsair. C'est une bonne marque, ça, Samsung. Samsung, il semble qu'ils font pas des SSD. C'est pas une marque de... qui m'inspire confiance. Ça me fait juste me rappeler des téléphones qui explosent. Puis là, fait que là tu lis. Là, quand tu penses savoir, tu fais comme « Ah! » Tu lis un review qui dit « Ah oui, parce que là, il y a la technologie MMS ou RPL. » Puis là, tu fais comme « OK, c'est quoi ça? C'est-tu mieux que l'autre? » Puis là, tu fais « Ah ouais, celui à 100$, il n'y a pas ça. Puis celui à 120$, il y a ça. Ça vaut-tu la peine? » Puis là, Google, est-ce que ça vaut la peine? Puis là, tu apprends, tu lis des explications de genre « Ah, les molécules sont placées sur une rangée au lieu de trois rangées. Puis là, ça, c'est mieux pour faire telle affaire, mais ils sont plus rapides, mais ils sont plus fragiles. » Je dis « Oh, fuck! » C'est vrai, on m'avait déjà dit que des SSD, comme si t'écris trop souvent dessus, ça s'use plus vite. Là, comment savoir lesquels SSD qui s'usent pas? Des journées, là, à taper, à googler, oui. N'importe quoi, n'importe comment. Puis là, quand tu l'as trouvé, tu fais comme, bon, là, ça dit que ça a une plug SATA. C'est quoi ça, une plug SATA? J'ai déjà entendu ça. OK, oui, Google, c'est quoi une plug SATA? Là, tu regardes ça, tu fais, là, j'ai tout ça dans mon ordi. Puis là, tu googles, est-ce que mon Alienware... Ça, c'est l'avantage là, d'avoir un Alienware, c'est que tu peux taper le nom exact, puis il y a tellement... C'est connu. C'est assez répandu, là. Ouais. C'est assez répandu pour que tu puisses trouver une vidéo d'un gars qui a exactement le même modèle que toi, qui installe un SSD dedans. Puis là, tu fais comme victoire, ça va être facile à partir de maintenant. Mais non! Parce que le gars, il fait une espèce de job de cabochon en mettant des fils dans des adapteurs dans d'autres fils. Là, tu fais comme, voyons donc, c'est pas vrai qu'il faut que je mette 4 pieds de fil dans mon mini-ordi. Genre, ça va tuer ma toute ma ventilation. Ah! Ouais. Fait que j'ai appris beaucoup en fin de semaine. Tabarouette, c'est compliqué. Et là, ça, c'est juste pour le SSD. Le SSD que je vais être obligé de coller sur le optical drive, c'est quoi en français, le lecteur optique, donc le normal, lecteur DVD, hein. Genre. Le lecteur à rayon bleu. Non, je pense pas qu'il est Blu-ray. Que je n'ai jamais utilisé, by the way. Ça fait au moins... Ça va bientôt faire 3 ans que j'ai mon ordi et je n'ai jamais mis un disque dedans. Ouais, alors, il a marché, puis pour vrai, il m'a pratiquement jamais manqué. Comment? Ouais, mais en plus, j'en ai plus, puis genre pas de temps, là. Il y a la fois que je voulais installer un driver pour une petite machine qui venait sur un CDI, puis c'était tout, là. Puis là, finalement, t'es allé sur le site web de la compagnie à la place? Non, mon copain, il a un lecteur de CD avec une clé USB. Ah, fait que tu avais transféré le truc? Ouais. Ça marche aussi. Mm-mm. Non. Fait que là, mon plan... C'est vrai que c'est dépassé. Mon plan, c'est que là, j'ai commandé le disque dur qui est arrivé. By the way, surprise, c'est tout petit pis ça pèse rien. C'est comme s'il y avait de l'air dans une petite boîte en métal. Ça va être drôle. J'ai commandé le câble SATA. Le maudit câble SATA, que c'est tellement compliqué de pas en avoir un qui mesure 4 pieds de long. Parce que là, moi, j'en cherchais un 6 pouces, puis là, il n'y en avait pas. Fait que là, j'ai opté pour un 12, 13, 14, 18 pouces, whatever. Je suis comme, bon, parfait. En tout cas, on peut dire que ça t'a une bonne longueur. Je pense que tu peux surtout dire que ça t'a donné bien du trouble. Ouais. C'est pour ça, c'est fait pour aller à l'intérieur d'un ordi, un câble SATA. C'est pas supposé mesurer 12 pieds. Ah, il y en a des 4 pieds de long. Ah, mais ça, c'est sûr qu'ils ont des boîtes d'ordi qui font 4 pieds de long. Mais pourquoi t'aurais une boîte d'ordi qui fait 4 pieds de long? What the fuck? Parce que t'as bien des affaires dedans, genre un système de cooling à l'eau. 4 pieds, Anne-Marie. Pour l'extérieur, tu y fais un fin de. C'est à peu près ta grandeur. Ça a l'air d'un géant club sandwich très très haut. C'est plus un ordi. C'est un. Je sais pas, whatever. Alors, ce que je n'ai pas reçu, c'est le motadi câble de power qu'il a fallu que je cherche full longtemps parce que je n'ai pas de plug power d'extra dans mon ordi. Alors, okay. J'ai été obligé de chercher un adaptateur, un splitter. Molex à Molex Y. Oh my god, ok, pour ton CPU. Eh hey boy. Ouais. Va falloir que je prenne le câble Molex. Comment est-ce que je dis ces choses-là, ces mots par rapport-là, puis tu fais comme, je sais c'est quoi. Mais pas tant, c'est pas moi qui l'ai arrangé mon ordi, mais là, t'as dit un câble de courant, puis je sais là, pourquoi qu'il y a un câble de courant? Ah ouais, pour l'intérieur. Puis là, tu dis que t'en avais pas d'autres, mais c'est ça, c'est que ton truc, c'est un Alienware, il est fait custom, puis il y a aucune plug de plus, j'imagine. Là. Tandis que quand, quand t'as un gros desktop, là, genre, tu l'ouvres, puis il y a genre 12 plugs de plus qui traînent. Au cas où, genre. Parce qu'ils ont acheté une couette avec plein d'affaires, puis... J'en ai des plugs de plus, puis mon ami qui m'aidait, Arnaud, je te salue. Tu m'as été d'une grande utilité. Arnaud qui m'a dit « Pourquoi t'as acheté un câble SATA? Je pourrais t'en donner, j'en ai genre 14 qui traînent chez nous. » Ben, c'est ça, j'ai pas eu à acheter ces affaires-là, mais c'est probablement parce que tout le monde ici, sauf moi, a genre 12 millions de morceaux d'ordi. Ah, mais ont-ils un câble 6 pouces Power Molex Y vers Molex et... Peut-être, parce que j'ai rien acheté de plus. Calice. Quand j'ai monté mon ordi. Oui, mais il y a des carcasses d'ordi qui traînent ici. Pour finalement me faire dire par Arnaud, t'as probablement pas besoin de ça, là. T'as sûrement des plugs d'extra. Puis je suis comme, tabarnak. C'est le truc qui est pas encore, qui prend le plus de temps à livrer, qui coûte le... C'est le câble le plus cher d'ordi que j'ai jamais payé. Oh non! Toute cette recherche-là. D'une somme de 10$. Ah! Okay. Des câbles d'ordi, c'est genre 2$. Et là, le meilleur. Alors, donc, juste finir cette histoire-là. Je vais installer mon SSD tantôt, fait que j'ai hâte que le podcast finisse. Fait que je devrais arrêter de parler parce que dans le fond, je suis la seule raison pourquoi ce podcast-là va durer longtemps. Mais non. Je vais installer mon SSD. Mon plan, c'est que je vais voir si la plug du optical drive que je me sers jamais fit. Puis si oui, ben j'ai pas besoin de brancher rien d'autre. La plug est déjà là. Puis j'aurai juste pas d'optical drive branché. Tant pis. Puis sinon, ben j'attendrai que ma plug soit shippée parce que genre ça fait depuis la fin de semaine puis ils l'ont même pas encore mis dans la poste. Ça c'est poche. Ça, c'est l'autre affaire Amazon. Amazon te dit, ah, ça va arriver dans au moins une grosse semaine, là, peut-être deux. Puis là, ça arrive le lendemain. Fuck yeah, j'ai pas payé extra shipping, j'ai pris ton free shipping gratuit. C'est arrivé le lendemain, là. C'est quand même arrivé rapidement. Qu'est-ce que je voulais dire? Fait que ouais, ça, c'est le SSD. Je m'a l'installé tantôt. Maintenant, la partie intéressante. Les cartes graphiques. Oh my god! Qu'est-ce que quoi? J'ai dit juste que la carte, c'était plate. C'était plate? Ben, c'est toi qui es en train de dire ça. Moi, je trouvais que c'était intéressant. T'as dit la partie intéressante. Ah, ok. Là, on était. J'avoue qu'un SSD, c'est assez plat. Non, mais moi, je trouve ça intéressant. Ça fait quand même une belle différence quand t'as un SSD, là. Ah oui, attends, je vous ai pas raconté mon plan. Parce que là, mon plan, c'est comme... Ton plan? Parce que moi, là, je comprends pas ça. Les gens s'achètent un SSD, puis là, ils ont un autre disque dur pour mettre leurs grosses affaires. Fait que là, tu mets comme Windows sur ton SSD, puis là, tu mets tes applications. Mais là, à chaque fois, faut que tu te demandes, est-ce que cette application-là est importante? Est-ce que je devrais la mettre sur le SSD? Ou si je devrais la mettre sur ton SSD, là. Sinon, on prendrait tout ça, là. Tu peux pas avoir tout dessus. Fait que là, t'es comme, où est-ce que je mets ça? Puis là, t'es tout le temps en train de dire, ah, ce fichier-là, il est là-dessus, ce fichier-là, il est là-dessus. Moi, ça me tente pas de dealer avec ce genre de trouble-là. Surtout depuis que je sais que, genre, là, au moins 3 ans, Apple, ils ont annoncé une affaire, ça s'appelle des Fusion Drive. Ça, c'est un truc, c'est un disque dur que t'achètes de Apple, qui te vendent ultra cher, parce que c'est un gros disque dur standard à roulette magnétique de genre 1 ou 2 terabytes. OK. Avec, dans la même boîte, un petit SSD de entre 32 et 100, je ne sais pas combien, gigs. Mais l'affaire, c'est que là où ça devient intéressant, c'est qu'au lieu que ton ordi voit 2 disques durs, il te le... combine en un seul disque dur, puis il deal avec. Fait que tous les fichiers que tu utilises souvent, genre l'OS en tant que tel, les fichiers que tu ouvres tout le temps, genre Chrome, puis je sais pas moi, mettons ton jeu préféré de World of Warcraft que t'arrêtes pas d'ouvrir, mais tous ces fichiers-là sont automatiquement mis sur la partie SSD de ce gros disque dur-là. Puis toutes les affaires que tu utilises à peu près une fois de temps en temps, jamais, sont automatiquement mis sur le gros SSD. Le gros. Mais automatiquement, quand? Qu'est-ce qui détermine ça? Puis quand est-ce qu'il choisit, il est déplace? Ça se fait tout seul. Quand ton ordi ne fout rien, il est beau. Puis je pense que c'est juste. Non, celle-là, c'est ça. C'est vraiment. C'est comme un gros disque dur, mais l'ordi, lui, il le voit caché. Il le voit comme étant deux, puis il décide quoi mettre okay. où. Puis tout ça est géré par OS X, les nouvelles versions. Puis ça s'appelle un Fusion Drive. Puis ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, tu peux faire un Fusion Drive avec n'importe quoi. Tu as juste à rentrer des lignes, une couple de lignes de commandes que tu rentres. Tu as une petite manipulation que tu fais, puis tu dis ce disque-là avec ce disque-là, fusionne-les ensemble. Puis là, il fait OK, voilà, c'est fait. J'avais fait des tests avec genre deux clés USB. Je les avais fusionnés ensemble. C'est très drôle. Ça marche super bien tout seul comme par magie. Ah oh, ouais. Et là, j'ai cherché des alternatives à ça côté Windows, côté PC. Eh bien, il n'y a rien du tout. Il y a. Mais ça doit être breveté, là. Non. Ça a l'air que même pas. C'est juste que ça fonctionne avec le file system d'Apple. Fait qu'ils l'ont fait pour ça. Puis ben, il y a encore personne côté Microsoft ou côté Intel qui s'est comme donné la peine. Il y a des trucs qui s'y approchent. Il y a Microsoft qui avait fait le Ready Boost, je pense que ça s'appelait. Tu sais, quand tu branches une clé USB dans ton ordi, puis il dit « Hey, tu pourrais utiliser cette clé USB pour accélérer ton ordi. » Fait comme « J'en ai rien à foutre. » Ça vous fait pas ça, vous? Moi, je le faisais, ouais. Je l'utilisais, mais j'ai jamais vu aucun gain. Ben, c'est ça. Ce que j'ai lu sur le sujet, c'est qu'à moins que t'aies un fucking vieux ordi avec juste un gig de RAM, tu verras pas de différence. OK. Fait que c'est pas génial. Après ça, il y a Intel, il y a une technologie avec un nom accouché dehors, genre Intel SRT. Que je me souviens plus c'est quoi que l'acronyme veut dire. Ça doit être Rapid Time ou une affaire lettre de même. Ça, j'ai ça, là. Mon ordi, à chaque fois que je l'ouvre, là, il y a une affaire de technologie de stockage Intel rapide qui part. Puis je suis comme, que c'est ça, j'en veux pas. Puis 3 ans plus tard, je me dis, hey, ça a l'air que je peux utiliser ça pour mettre mon SSD dessus. Ça, ce que ça fait un peu comme le truc d'Apple, mais c'est comme plus compliqué à setuper. Faut aller changer des affaires dans le BIOS pour activer je sais pas quoi. Mais une fois que c'est fait, ça a l'air que ça marche. Fait que j'ai bien hâte de l'essayer. Ça, ce que ça fait, c'est que ça met tout sur le gros disque dur magnétique, mais les fichiers que tu utilises souvent sont aussi copié sur le disque SSD. Genre, à force que tu es. Genre, la première fois que tu ouvres Windows ou World of Warcraft, il fait comme. Il va loader du disque dur. Puis là, il va faire. Tu utilises cette application-là souvent. C'est quoi? Je vais copier ces fichiers-là sur dans la cache sur le SSD. Ok. Fait que c'est vraiment plus comme une cache. Puis ouais, là, la prochaine fois que tu en as besoin, il fait comme. Ah ouais, ce fichier-là, je l'ai sur la cache. Fait que attends, je te load dans la cache, puis là, pouf, ça load tout de suite. Parce que c'est ça le but d'un SSD. Alors, peut-être que la semaine prochaine, je vais vous parler de la technologie de stockage rapide Intel. Je vais dire si ça fait une différence. J'ai hâte. Cool. Et sinon, ben, fuck it, là, je vais être obligé de le faire manuellement, de mettre Windows. Puis là, de bouger les applications que j'utilise manuellement d'un disque à l'autre. Ouais, ben moi, c'est ça que je fais, là. Ben, je sais pas, je trouve ça tellement comme... Mais ça se fait pas vraiment, là, mais sur Steam, archaïque. Parce que, mettons, il avait commencé à installer sur mon SSD, mais là, il était plein, fait que là, j'ai dû dire à Steam, non, arrête, je veux que t'installes sur mon hard drive. Fait que... Ouais, je sais pas comment tu peux juste les bouger. Ça, Steam, on s'attendrait à ce qu'il y ait une option pour y dire, genre... pogne mes jeux et bouge-le sur tel autre dossier. Ouais, parce que tu peux te créer des librairies Steam ailleurs que par défaut. Tu peux t'en mettre sur tes disques durs, puis ils te demandent quand tu l'installes, vu dans lequel que tu veux le mettre. Mais tu peux pas le dire, genre, tu peux-tu prendre ça puis le bouger sur l'autre? Là, il est comme, oh, on n'a pas ouais, pensé je pense que pas. Tu voudrais faire ça. Je pense pas trouvé. Faut que tu le délites, le réinstalles. Je voulais que je change mon placement par défaut, dans le fond. Ouais. Fait que, c'est dommage. Alors, c'est ça mon plan. Puis là, la carte graphique, ben, je peux vous le raconter, mais... Ouais, ben là, c'est ça, on est encore dans l'espèce de boom de prix de carte graphique, là. Ah, t'es au courant de ça, toi? Ben oui, ben on en avait parlé la semaine passée avec Camille, non? Ah oui? Ouais, ouais. Je m'en souvenais plus. C'est Arnaud qui m'a parlé de ça. Il m'a dit, tout le monde veut farmer des bitcoins, puis des shit coins, puis des trucs coins, puis des patentes coins. Des doge coins. Des doge coins. Ça existe en passant, ça existe. Mon Dieu. Oui, c'est ça, ouais. Ok, mais j'imagine que c'est une bulle, puis ça va passer. C'est ce qu'il pense aussi. Ouais. Mais... On espère, parce que c'est ça, si t'as réellement besoin d'une carte graphique. Tu sais, les prix avaient baissé, là, mais à cause de la bulle, ça a tout remonté. Yep. Fait que... Ben, la carte que je regarde, c'est celle qui est recommandée par Oculus. Il en recommande un paquet, puis il y en a une qui est comme plus recommandée. Fait que je fais comme, je vais pas niaiser. J'ai l'argent de toute façon, fait que aussi bien acheter celle la top recommandée. Puis, moi, je connaissais pas ça, hein, les cartes graphiques. J'ai toujours... Tu sais, quand t'achètes de la RAM, c'est facile. T'as un chiffre. T'as la quantité de RAM. Les cartes graphiques, t'as pas juste un chiffre puis tu prends le plus gros, non? Il y a des qualités de RAM aussi, en passant. Ouais, ben il y a des... Mais la qualité de RAM, c'est la même affaire aussi. C'est comme, tu check d'abord pour la quantité, puis après ça, c'est DDR2 ou 3. Ben, 3, c'est mieux que 2, puis 4, c'est mieux que 3, puis 2, c'est mieux que 1. C'est ça, c'est logique. Mais des estis de cartes graphiques, c'est comme... Est-ce que la GTX 750 est mieux... que la 680? Et comment, qu'en est-il de la 920 et de la 970? En fait, c'est quand même assez simple. C'est juste que c'est difficile de les comparer. Parce que le début, c'est genre l'année, puis la fin, c'est genre la gamme. Attends. Les nouvelles, comme les 10 quelque chose, puis les anciennes, c'est les 9, 8, 7, 6 quelque chose. Fait que si t'as une 9,80, c'est mieux qu'une 9,60. Mais peut-être qu'une 9,60, c'est moins bon qu'une 10,40. Attends, là, tu dis ça comme si c'était la première chose à regarder, mais là, il y a aussi des sortes, là, t'as les GT, GTX, GMT, J'ai cru... Ben non, il y a les GT et les GTX. Ah, il y en a d'autres. Les GTX, mais... Il y a des... Titan, il y en a une. Ou deux. Puis après ça, t'as le 950, puis 950 Ti, puis le 960, puis 960 Ti. T'es comme, Ti, c'est bon ça ou c'est pas bon? Parce que... Je me rappelle plus c'est quoi ça. C'est juste que plus que les chiffres sont gros, puis mieux que c'est, il me semble. Puis si tu peux avoir plus de parce trucs, que si c'est le format de... laptop... Genre, il y a des acronymes qui veulent dire « Ceci est une shitty carte de laptop ». Ouais, comme M. Ouais. C'est le seul. Ouais, mais. Mais ça, c'est quand tu. L'affaire, c'est que. L'affaire, c'est que quand tu le sais pas, toi, tu vois juste des lettres pis des chiffres. Tu fais comme. Elle comprend pas. Ouais. Là, t'es comme genre. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été. À un moment donné, je me suis tanné. J'étais sur Google. J'ai tapé How to understand fucking. carte graphique acronyme. Name. On n'a pas juste écrit best carte graphique for ton budget. Parce que tu tombes tout le temps sur des articles de 2014 qui sont full outdated. Mais non, mais tu peux les classer. Il y a aussi des sites genre qui updatent leur page de ce genre-là toutes les semaines. De toute façon, à force, là, je me suis pas cassé la tête. Je vais prendre celle que Oculus recommande. Puis Oculus, celle qu'il recommande, c'est pas mal comme une top. Là. Il te recommande une GTX non, ça va être de quoi de bon, là. 10. Fait que c'est, ouais. C'est la, comme, je pense, sont-tu rendu à 11? Je pense pas. Non. On n'est pas encore à 10. C'est une 1060, ce qui est déjà comme... Je pense qu'il y a 1070 puis 1080 en haut. Ouais. Ouais. Puis là, ah, mais attends, non, il y a aussi les 1080 Ti, que c'est comme un petit peu mieux. Les versions titanium qui appellent. Puis là, je parlais de ça avec Arnaud, là, puis là, je disais, ah ouais, mais là, je vais prendre celle-là, là. Puis tu veux, mais quel modèle, quel vendeur? Je suis comme, hein? J'étais le GeForce, genre le Nvidia, là, celle-là. Il dit, oui, mais ça, c'est ceux qui font la chip. Après ça, la carte elle-même, il y a comme 40 sortes. Ah! Il y en a qui sont... quantité de RAM différents voltages. Il y en a qui sont overclock, il y en a qui sont avec deux ventilateurs, trois ventilateurs, un ventilateur. Et c'est pour ça que quand tu vas voir des top 10, ben, ils te proposent des vendeurs de cartes complets au lieu de dire prendre 1080. Mais là, Blob... La gamme ou le vendeur. Mais là, Blob, t'oublies que je joue en hard mode. J'ai de la place dans mon ordi, mais j'ai pas infini de place. Ah oui, c'est vrai, puis des fois, elles sont tellement grosses. Non, je devrais avoir assez... Tant qu'elle respecte deux d'épaisseurs puis une certaine longueur, je suis à peu près correct. Fait que ça va. Mais attention, ce que j'ai appris, c'est que là, il faut aussi regarder le wattage. Parce que là, Arnaud disait genre, oh, mais là, il faut changer ton power supply. Je suis comme, non. Regarde les cartes de Oculus, là. Regarde dans toute la liste, là. Trouve-en une que c'est correct. Il fait, non, il faut changer ton power supply. Je suis comme, non, mais Arnaud, tu comprends pas, là. Moi, mon power supply, il y a comme une affaire un peu dans l'ordi, puis il y a aussi une grosse brique à terre à mes pieds qui me sert de fabuleux chauffe-orteil l'hiver. C'est vraiment fabuleux comme chauffe-orteil, je vous le dis tout de suite. C'est le best chauffe-orteil. Et là, il dit, non, il faut changer le power supply. Puis je suis comme, mais pourquoi, là? J'en ai comme beaucoup, là. Puis il dit, t'as juste 240 watts. Là. Qu'est-ce qu'on va faire avec 240 watts? Puis là, je suis comme, combien ça prend, là? Il dit, bon, puis là, Arnaud, il est bon, là. Il a checké les specs de mon ordi sur le site de Alienware. Puis il dit, ton ordi, il existe aussi en version, t'as telle version de specs. Là, ils peuvent te proposer en option telle carte graphique, ce qui veut dire que si tu prends tel power supply, il peut supporter jusqu'à tel watt. Fait qu'on, c'est ça notre budget de watt. Fait que là, je vais te trouver la bonne carte. Je suis comme, OK, deal avec. Sauf que là, il faut que je change mon power supply. Power supply externe. Une autre chose qu'on apprend dans la vie. Tu sais, un power supply externe, c'est comme, ben, power supply externe, ça va coûter genre 20$. Eh bien, power supply externe de laptop, c'est juste comme 60 watts. Le mien, il fait 200, je ne sais pas combien. Puis là, celui qu'Arnaud me dit qu'il faut que j'achète, qui était en option sur mon Alienware, c'est 300 quelque chose watts. Et là, tu fais, bon, ben je vais en acheter un. Dell le vend 150$ US. Hey boy! Ce qui n'inclut pas le shipping. Là, j'étais comme, on peut pas en trouver un autre? Et ça a l'air que non, parce qu'un power supply de 300 watts externe, il y a à peu près personne. C'est pas commun. C'est ce que Arnaud. Ça, ça prend ça pour le Oculus ou juste parce que dans ton Alienware, tu peux pas changer le CPU? Le CPU, il va, c'est le power supply. Ah, j'ai pensé de power pour changer la carte graphique. Faut que je change la carte graphique. Elle a besoin de plus de power, donc ça prend un plus gros power supply. Mais je peux pas. En fait, je pensais qu'il fallait que je change de quoi dans l'ordi. Je suis content que ce soit juste un morceau externe à l'ordi. Je suis pas content que ça coûte 150$. Mais là, on en a trouvé sur eBay en Californie pour 50$ US, plus le shipping, plus les taxes, plus le dédouanage. Ça va coûter 80-ish$ canadiens. C'est quand même mieux. Que genre 185$ Pour... Mais 50$ US, ça vaut 80$ canadiens. Et si tu rajoutes tout le reste, tu t'en sauves pas en bas de ça. Non, non, j'ai fait le calcul. Là. J'ai calculé avec. Ben, tu sais, eBay, il dit genre, ça devrait coûter tant de shipping puis tant de douane. Fait que tu vas t'en tirer à tant le montant US, puis j'ai converti ça en dollars canadiens. Ça donnait comme 85$. J'étais comme, okay, c'est raisonnable. Les aventures, les amis. Les aventures. Je pense que ça fait le tour. Fait que là, j'ai dit à Arnaud, là, je change mon SSD puis la carte graphique, je suis pas pressé. De toute façon, je vais pas acheter un Oculus demain matin. C'est sûr que j'attends au moins le Black Friday, voir s'il y a un rabais. S'il y en a pas, ouais, c'est vrai, ça s'en vient, ça. On peut attendre aussi plus. Ouais, ouais, ouais. Mais il va peut-être avoir des rabais sur les trucs de VR aussi. Ben, c'est ça. C'est ça sur la quoi je compte. Ouais. Là, Lunabit dans le chat nous dit il faut aussi regarder les inputs. Genre deux HDMI, c'est ton écran et HDMI. Oui, mon écran est tout ce que je peux. Il faut y a toutes les plugs dessus. Et elle dit, tu games sur portable. Je suis comme, non, Inhabit, je ne game pas sur portable. J'ai mon gros Alienware. C'est juste un mini PC, dans le fond? Ouais, c'est un mini. Mm-hmm. Avec des lumières dessus. Ah, parce que là, Arnaud était comme genre, ben là, on peut aussi, genre, scavenger les pièces puis les mettre dans un autre ordi, genre dans un autre boîtier. Ouais. Je suis comme, oui, mais Arnaud, je l'aime, moi, mon petit ordi, il fait pas de bruit. Genre, moi, ça me dérange pas de payer plus cher, mais je veux pas qu'il fasse de bruit. Ouais, mais là, c'est une grosse carte graphique, puis tout, il va y avoir des fans là-dessus. Ben, il y a déjà à peu près 150 fans là, dans cet ordi-là. Ah ouais, enfin, ok. Il fait pas de bruit. Deux pareil. Fans de plus. Là. Non, il fait pas de bruit. Hmm. Ben, attends, on s'entend. Quand je fais un jeu qui demande beaucoup, là, oui, les fans partent. Mais. T'sais, en ce moment, il fait pas de bruit. Les fans ne fonctionnent pas. OK. C'est l'avantage. Fait que là, j'ai confié à Arnaud une mission. Ça a l'air qu'il est bon là-dedans. Il connaît les cartes graphiques parce que lui, il est magazine pour sa job. Je fais, bon, Arnaud, faut que tu me trouves une carte graphique qui fait pas de bruit, qui fait du VR, puis qui fit sur un budget de 330 watts. Black Friday. Alors, ça va être bien, bien le fun. Voilà. Je pense que ça va être une expérience de vie pour grandir. Ouais, ouais, ça va être une expérience de vie. Ça va être une expérience de VR. Oh! Wow. Je pensais que c'était là que tu t'en allais. Là. Puis là, tu faisais pas le jeu de mots. Fait que je suis allé, bon, ça a l'air qu'il faut que je le fasse. Il faut tout faire ici. Ben ouais. Non, j'y avais même pas pensé. Mm-mm. Mais la morale de l'histoire, c'est que si jamais vous changez votre carte graphique, va probablement falloir changer le power supply. Non, en fait, c'est ça. Pas nécessairement. C'est si tu veux mettre une... Si t'as déjà une carte graphique puis que tu veux l'upgrader, probablement pas. Mais si comme moi, t'as juste une petite... Arnaud, il a comme un peu ri de ma gueule. Là. Il dit, ben là, c'est sûr, là. T'as juste une GTX 750. puis là, le chum à Camille était là, là. Puis il était là comme... puis là, les deux, ils se comprenaient. Puis là, comment vous faites pour qu'il est juste capable de shooter un chiffre de même puis vous trouvez qu'il comprend la joke puis il part à rire? Alors, c'est comme tabarnak. Mais présentement, j'ai une GT 550M. Ouh. Donc, ce n'est pas une GTX, c'est une GT. C'est mieux, 500, ça? Ça veut dire qu'on est en 2011 à peu près. Et 50 milieux de gamme, mobile. Laptop. Ouh, c'est pas bon, ça. Fait que c'est un petit peu ordinaire comme carte. Ouais. Mais ça run FF14. Fait qu'on est correct. Yo, je joue Heroes of the Storm à Ultra. Que demandait de plus? Ça, avec ma shitty carte, là. Bon, après ça, quand j'ai Shadow of Mordor, il faut que je baisse un peu la qualité, mais j'étais même pas capable de voir la différence. Who cares? Il est bon, mon ordi. Même si Arnaud et Colin rient de ma gueule. ma carte graphique, je l'ai vue. Genre, je regardais des vidéos de désassemblage, puis là, je voyais les gens, il y avait des grosses cartes graphiques. Là, j'étais là comme, waouh, j'ai ça, moi. J'ai une grosse carte graphique. Là, j'ouvre mon ordi, je suis comme, hey, la carte graphique est supposée d'être en dessous de ce morceau-là. Pourquoi je la vois pas? Là, j'enlève le morceau. Oh! La carte graphique est tout petite. Elle avait un tout petit fan Rikiki qui avait plein de poussière dedans. Mais ta part n'était pas intégrée à ton motherboard? Non, elle est à part. Elle est dans son gros, gros rack. Qui supporte les grosses. Et comme... Elle, au lieu d'avoir, tu sais, les cartes, c'est comme une épaisseur ou deux d'épaisseur, ben là, juste une d'épaisseur. Puis elle fait la moitié de la distance, de la longueur. Fait qu'elle est tout petite, elle a un tout petit fan. Puis j'étais comme, oh, c'est ma belle petite carte graphique cute. Je vais vous l'envoyer, là. T'as trouves même pas sur le site de Nvidia, parce que, comme Arnaud a dit, il dit, oh, ça doit être une carte de comment il a dit? Il a nommé un acronyme, là, c'est genre des affaires que genre t'achètes un ordi pis il est déjà dedans. Parce que tu peux pas vraiment l'acheter. Intégré, là, ouais, c'est ça. Mais pas intégré. C'est juste comme un affaire qui est vendue aux fabricants d'ordi directement. Ouais, à Alienware. Pour faire ces ordi Alienware. Ouais. Genre. Ouais. Mais je l'aime, mon Alienware. Il me donne pas de trouble. Puis quand j'ai des problèmes, j'ai juste à taper le nom dans Google, puis il y a plein de gens qui ont exactement le même ordi que moi. Quand j'ai voulu configurer les mots, t'as dit lumière, parce qu'il y avait des estis de lumière bleue. Puis... Ah ouais. Mais ça, moi, c'est pas full customisable, là, puis tu peux y mettre la couleur que tu veux, puis tout. Ouais! C'est ça qu'il me disait quand je l'ai acheté sur le site. Puis là, t'arrives, puis tu fais comment je fais pour changer les estis de couleur, parce que là, ma blonde... C'est des drivers. Ma blonde a trouvé que c'était fatigant parce que dans le temps qu'il était dans la chambre, ça faisait de la grosse lumière bleue quand elle se couchait. Ah ben oui. Fait que j'étais comme, bon, y a-t-il une manière que je puisse les désactiver puis les réactiver? Alors, faut t'installer le bidule de Alienware. Ça, c'était moins fun. Le Lumière Control Center. Lumière... Non. Ça s'appelle... Attends, ça a un nom... C'est ah, un beau nom. C'est le Alienware Alien FX. Oh, écrit c'est FX. C'est sûr. Et là, quand tu l'ouvres, là, ça a comme une grosse... Attends, là, je suis en train de l'ouvrir. C'est comme... Il y a comme... C'est comme des dessins de pièces d'ordi puis des lignes de lumière de futur style extraterrestre. Puis il y a la petite tête de Alienware qui tourne comme loading. Puis là, ça a de l'air tout droit sorti de 2011. Avec des boutons LED. Ça, là, il y a des programmeurs qui ont fait ça. Puis il y a des designers qui ont fait ça. Il y a pas. Ouf. Quelqu'un a été payé pour designer ça. Ok, tu vois, là, je l'ouvre, puis c'est moins pire que c'était dans mon souvenir. Ça a probablement été effectué par David Goodenough. Goodenough. Maintenant... C'est mon personnage préféré dans la série du joueur du grenier. À l'occasion, il y a le gars qui est genre « Mais non, ça va, c'est pas si mal. » David Goodenough. Oui, c'est vrai. Mais là, longtemps, j'ai pas écouté ça. J'ai customisé les lumières de mon ordi pour choisir des belles couleurs. Puis là, chaque... panneaux sur l'ordi et d'une couleur différente, mais qui matchent God. Bien ensemble. Et j'ai validé avec Camille que ça matchait bien ensemble. Camille et ma blonde ont validé les couleurs pour me dire « Oui, c'est un bon choix de couleur. » Correct, ça. Fait que là, Arnaud, il voulait me faire changer mon case. Là, j'étais là comme « Ouais, mais Arnaud, là, check les cases. » Il y a des couleurs. Il y a des couleurs dessus, mais ils sont tellement laids. C'est laid, c'est pas beau. Yash, ils ont juste comme deux gros trous de ventilateur avec des lumières bleues. Wesh, c'est comme si c'était un programmeur qui l'avait, un ingénieur qui l'avait fait puis qui avait dit genre ouais c'est beau ça, wow des lumières. Correct, non c'est laid. Genre, c'est peut-être mon côté Apple qui ressort. Ah, oh, t'es habitué que le design soit potable? Ben oui. Je veux dire, si tu payes pas cher, je peux comprendre, mais... Ouais, Alienware, c'est pas exactement pas cher non plus, là. C'est surprenamment raisonnable. Ah ouais? Après, pour la gamme que j'ai. Après ça, okay. Effectivement, si tu prenais les trucs plus haut de gamme, tu payes pour le custom case puis la marque. Ouais. Pas mal, plus. Pis les couleurs, là. Mais écoute, pour un ordi silencieux, hey, c'est cher, les ordi silencieux. Bon, après ça, Arnaud... Que, ouais, je pense pas à ça. Arnaud, il me parlait, il voulait s'acheter un case avec pas de fan. C'est un gros case avec comme deux estis de gros heatsink. OK. Géant. Puis genre, comme tout le boîtier, c'est comme un gros heatsink. Ça pèse une tonne et demie. Puis là, Arnaud pis Colin étaient comme genre, ouais. Mais après, ça fait pas de bruit, c'est ça? Ouais. T'as comme deux tuyaux avec du liquide dedans. Mais pas de moteur pour le faire voyager. Le liquide okay. Voyage par lui-même, par la chaleur, par le transfert de chaleur. Puis là, t'as deux trucs. Puis là, tu colles un sur ton CPU puis un sur ton GPU. Puis là, t'as pas de fan. Puis ça fait zéro bruit. Wow! Puis là, tu mets un power supply avec un gros fan. Ouais, c'est ça. Non, ça, je sais pas. J'imagine qu'il y a des power supply, pas de fan. Ben, clairement, ça existe, parce que moi, j'en ai un. Ouais. Mon beau chauffe-orteil. Il n'y a rien qui t'empêche de le brancher, de le laisser lousse comme ça à terre. Non, il chauffe pas. Il chauffe pas s'il n'est pas... Il chauffe pas si l'ordi n'est pas allumé. OK, je m'excuse. Mais si j'achète le power supply externe de 330 je sais plus combien de watts, peut-être que lui va chauffer plus. C'est non négligeable. Ouais, c'est vrai. En tout cas, nous autres, on chauffera pas bébé cet hiver, là. Juste cette semaine. Moi pis mon chum, tu sais, cette semaine, c'est comme l'été indien, là. C'est l'automne, mais il fait super chaud, là. Oh, tabarnouche qu'on a chaud. J'expliquerai après c'est quoi un été indien. Mais continue. Ah, mais vas-y. Non, c'est juste pour dire que... On a vraiment chaud, le front chaud qui a fait l'ouragan, c'est pas ça qui nous a fait... Ça donne vraiment un feeling d'été indien, mais un été indien, ça arrive pas avant le mois de novembre. Tout le monde pense qu'aussitôt que genre qu'on est le 21 septembre, là c'est l'automne, s'il fait chaud, c'est l'été indien. Ben, de toute façon, c'était cette semaine, puis le 21, c'est aujourd'hui. Fait que si c'était hier ou avant, c'était pas l'automne encore. Mais ouais, c'est ça, un été indien, c'est comme vraiment plus tard que les gens réalisent. Ouais, ça arrive. Que le monde, il allume pas que c'est ça l'été indien. Mais je sais pas qui a décidé le nom puis les règles sur c'est quoi un été indien. Probablement la convention de Berlin. Non, la sémantique, ça... ouais, non, il doit avoir une origine à ça, c'est sûr. C'est sûr. Tu devrais continuer ton histoire. De toute façon, je te coupe. De toute façon, j'avais pas d'histoire. L'automne commence vendredi le 22 septembre. Ça, c'est demain. Ah, c'est demain? Ah oui. Et même pas encore commencé. Oui, non, c'est ça, l'équinoxe. J'avais même pas réalisé que c'était l'équinoxe jusqu'à ce que j'aille un courriel de Pokémon Go qui me dise genre, on fait un event pour l'équinoxe. Vous allez attraper plus de cossins. Nice. Ouais. Ça a tellement passé, Pokémon Go, là, j'avais recommencé à jouer cet été, puis j'ai arrêté. Là. Genre, ça, je sais pas, ça a passé. Là, je joue à Pokémon Vieux Monsieur. Ben mieux. C'est tellement bien mieux. Oh! Parce que j'ai présenté ça à mes amis, fait que là on est comme 4 qui jouent là. Puis on s'envoie des screenshots. Nice. Ah, c'est vraiment nono. Là, je pense qu'on arrive au mot de la fin. Alors okay. Je vais commencer avec mon mot de la fin. Parce que là tu parles de Pokémon Vieux Monsieur. Ouais, là t'as une idée, on dirait. Je suis proche de la fin. Ah, il y a une fin? Il y a une fin à Pokémon. Mais là je me demande, c'est juste la première génération, oui, hein? Oui. Ok. Ben, je pense. Mon Pokédex a l'air de s'arrêter à Mewtwo. Ok, ouais, c'est ça. À Mew puis à Mewtwo. J'ai potentiellement vu la fin. Wow! Et ça a comme commencé bizarrement, puis c'était tout écrit en japonais, fait, je comprenais rien, mais j'ai pris des screenshots, puis je les ai envoyés à ma blonde. Mais là, elle est en vacances. Comment tu fais pour savoir que c'est la fin? Mais elle dit genre, ah, oh, je vois ça, ce mot-là, ce kanji-là, c'est fin. Fait que c'est probablement la fin. J'ai dit, comme okay. Quoi? Puis il y avait une cutscene vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Genre digne de okay. Pokémon Vieux Monsieur. Ouais. Fait qu'il y avait un bonhomme qui disait quelque chose, puis je comprenais rien, puis c'était comme. Imagine, je suis sûr qu'il va y avoir une blague, là, une bonne joke là-dedans. Ah oui, je vois pas juste le Pokédex, là, je suis sûr que ça doit être super épais ce qui est écrit en dessous de chaque Pokémon, mais on peut pas le lire. C'est clair que ça doit être niaiseux, là. Et moi, je vous avais-tu dit que j'ai catché Ash Ketchum? Genre, à un moment donné, il y avait un Pokémon Ash Ketchum, puis là, je l'ai attrapé, puis c'était un Ash Ketchum vieux monsieur. C'est bien drôle! Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que ça fait? Puis là, quand tu cliques dessus, il y a une phrase. Fait que là, j'étais comme, peut-être que ça explique que ça donne un boost ou quelque chose, un bonus. Ouais, j'ai pris un screenshot, puis je l'ai montré à ma blonde, puis elle dit, ça y a pris comme vraiment longtemps parce qu'il y avait des kanji vraiment tough, puis on a compris que ça voulait dire, je veux être le meilleur dans le monde dresseur. Quand t'es comme, fuck! On le savait déjà, ça! Un jour, je serai le meilleur dresseur. Ouais, c'était ça. C'était genre, meilleur dans le monde, des mots bizarres qu'on a compris que ça voulait dire dresseur. Ouais. Je serai. Ah, oh, ça, c'est un temps de verbe, je le connais pas vraiment, mais c'est comme un futur bizarre, puis là, c'était un futur conditionnel, genre. Ah, ok. Puis là, il y avait aussi, j'ai aussi attrapé Brock. Brock? Comment qu'on le prononce Brock. Son nom? Brock? Comme Barack Obama? Alors, j'ai attrapé Brock, et, mais lui, on n'a pas encore traduit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, je sais pas c'est quoi les phrases cultes de Brock. Moi, je m'attendais à Misty Vieux Monsieur, mais à date... Ouais, c'est vrai, hein? Il va falloir qu'il fasse une update Vieille Madame. Mais non, mais c'est ça, vous comprenez pas, il y a pas eu d'update dans le jeu. Ah, c'est vrai, hein? Là, il arrête pas d'avoir du nouveau contenu, mais c'est toujours basé sur mes levels. Fait que c'est comme des nouvelles mécaniques de jeu, complètement weird, des nouvelles affaires, complètement... Et jamais d'update. Fait que c'était tout déjà dans le jeu caché. Moi, c'est mon but dans la vie. C'est un peu ça que j'essayais de faire avec It's Raining Cabbages. C'est que quand tu joues, puis ça a de l'air niaiseux, puis là, tu débloques plus d'affaires, plus ça niaiseux. Ouais. Là, tu fais comme genre, jusqu'où ça va, cette affaire-là? Comme dans Candy Box. T'as de même aussi. Anyway, c'était mon mot de la fin. Comme dans Mola Mola, mais c'était peut-être pas si profond que ça, Mola Mola. Ouais, Mola Mola, c'était plus comme c'était les mêmes mécaniques, mais qui changeaient un peu. Mm-hmm. T'avais des nouvelles histoires, mais t'avais pas comme des nouveaux modes. Non. Ou des nouvelles features. Anyway. Mot de la fin. Blob, as-tu un mot de la fin? Je pense que non. je t'ai pris par surprise. Ben, on va envoyer à Marie. Ça fait un bout de temps que j'y pense, puis sérieusement, je pense que j'en ai pas. Ben, ton mot de la fin, c'est non. Ben, je peux vous raconter qu'est-ce que je trouve drôle dans Final Fantasy. Vas-y. Oui, lequel? Le 14, celui que j'ai joué un petit peu. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ben, des fois, tu peux fabriquer des lingots. Ah, oui. C'est pas ce que je m'attendais. Je pensais que t'allais dire Tychus qui rit. Non, ça c'est drôle. Ça aurait été très drôle, par exemple. Je pense. C'est peut-être dans le 11 aussi. Non, c'est dans le 10. Dans le 10? Ah, ok. Bon, mais je connais pas vraiment ça, ces jeux-là. Fait que c'est normal que je me sois trompé ici. Puis, fait que là, des fois, tu fais des lingots. Ben ouais. Là, tu fais ton lingot, là, fait que t'es comme ting, ting, ting, ting. Ouais. Là, il n'est pas complètement fabriqué, fait qu'il faut que tu repèses sur ta technique de fabrication, puis tu refais ting, ting, ting, ting. Puis quand tu arrives à la fin, ting, ting, ting, ting, chouing, puis là, tu as fait un lingot. Ouais. C'est bon. Sauf que, de temps en temps, ça fail. Mais ça pouvait pas juste failer normalement, là. C'est genre, quand tu fais ton lingot, puis ça fail, Ça explose. Oui. Ça fait ça. Que tu fasses un Lego, que tu fasses cuire des champignons, ça fait ça. Wow! C'est des champignons atomiques. C'est quoi, Skurs? C'est des champignons atomiques. Je me vois juste pas dans la vraie vie en train, je sais pas moi, de rouler un fajitas pour la première fois. Puis je suis pas... Mais c'est comme dans les Sims. Dans les Sims, là, tu demandes de se couper une salade, puis là, il met le feu à la cuisine. Puis là, il meurt. C'était... C'est parce qu'il a utilisé de la nitroglycérine comme vinaigrette? Ça doit être ça, écoute. C'est... Il doit pas y avoir d'autres explications. Dans sa cuisine. Fait que tu trouves ça comment, le crafting? Ben, c'est long et plate, mais... Ben, tu peux te faire des macros. Mais plus ça va, plus tu vas avoir des actions différentes, puis ça va devenir compliqué au lieu d'être juste long et plate. C'est genre optimisé. Mais... J'imagine que oui, mais tout ça va, là. Parce que tu te retrouves avec un résultat fini, c'est juste plaisant de pas être obligé d'acheter tes choses au magasin puis de dire « c'est moi qui l'ai fait ». Ah ben oui. Mais t'as jamais rien besoin d'acheter au magasin. Si tu prends toutes les professions de gathering, tu peux tout faire tout seul. Ouais. Quand t'as une manufacture à toi tout seul, c'est juste que ça va être hyper, hyper long. Mais ça se fait. Fait que c'est bien parce qu'en plus, il y a une économie dans tout ça. Est-ce que tu peux vendre tes choses que t'as faites? Puis si les gens ils veulent pas les faire, ils vont les acheter. Puis toi, en retour, si t'as des matériaux que t'as pas la classe pour les faire... Tu peux les acheter sur le marché des joueurs. Puis... Non, c'est cool. Si tu veux pas jouer en fou, ben, t'as toujours l'option d'aller acheter des affaires. Puis si t'es vraiment mongol, ben, c'est ça. T'as toujours l'option d'avoir toutes les classes toi-même tout seul, puis de tout fabriquer toi-même tout seul. Mais c'est hyper long. Fait que ça... Ouais, ça fait une économie qui désavantage pas un type de joueur en particulier, par exemple. Mm-hmm. Ouais. C'est beaucoup d'optimisation, le crafting. C'est pas juste genre, tu pognes les bons ingrédients, tu le pars. Tu sais, non, ça peut rater. Mais là, si ça rate, c'est parce que toi, t'as fait quelque chose de pas correct. Ça fait pas juste rater, là. Ah, ouais. Tu peux toujours optimiser. Ouais. Parce qu'il faut que tu balances le progrès de ta recette avec la durabilité de la chose que t'es après faire. Donc, tu peux progresser très vite, mais ça va baisser ta durabilité. Donc, faut que tu fasses attention pour pas faire trop d'actions. Faire juste les bonnes actions ou réparer au fur et à mesure ce que tu fais. What? Bref. OK. Ouais, non, compliqué. C'est... Il y a des niveaux de complexité dans le crafting de FF14. Puis c'est encore pire pour la qualité. Parce qu'en plus de tout ça, faut que tu manages le fait que si tu veux des trucs de bonne qualité, ben là, faut que tu fasses des actions qui augmentent la qualité, mais ça va baisser ta durabilité. Puis pendant ça, là, t'auras pas fait progresser ta recette. Fait que... Non, le crafting dans FF14, c'est intéressant pour les gens qui aiment vraiment manager, comme optimiser des affaires, là, pour les gens qui aiment se optimiser au bout, puis se faire des spreadsheets, puis se faire des macros, puis tout, c'est parfait. Hein. Parce que c'est compliqué. Wow. Les macros, t'es fait dans le jeu ou t'es fait dehors? Ils sont dans le jeu, ouais. Ah. Mais il y a des sites qui vont t'aider à l'extérieur. Là. C'est dans le fond, c'est juste une procédure de texte qui va passer dans le chat, puis par là, tu peux passer des commandes. D'habitude, tu mets un slash, puis tu mets le nom de la commande. Dans le fond, le macro, c'est juste une action qui va écrire tout ce que tu as mis dans le chat. Ouais. Ça peut juste être quelque chose de simple, genre chaque fois que tu utilises un certain move, tu as fait une macro, que la macro fait slash, utilise le move, slash, tu vas la faire dans le chaque fois que tu vas donner ta technique numéro 1, ça va dire quelque chose que tout le monde va voir. Ça peut être utile parce que des fois, mettons que tu as un move que tu n'utilises pas souvent dans une situation d'urgence, ça va signaler à tes alliés que la situation est arrivée parce qu'eux, ils ne sont pas forcément en train de te regarder, mais ils vont voir dans le chat, genre, hey, j'ai besoin d'aide. I need a healing. Ouais, ça, c'est un peu considéré comme étant impoli, là. Si tu fais juste gueuler « I need healing » à chaque fois que ton health descend d'un certain niveau, là. C'est une joke de Overwatch. Mais, ouais. Non, il y a du monde qui le font, là. N'inquiète pas, il y a du monde qui le font. Il y a des mecs plus fatigants que ça, là. Il y a du monde, genre, quand leur technique, ils vont arriver, genre, le cooldown finit bientôt, ils vont avoir programmé la macro pour que, genre, à partir de 30 secondes, elle écrit 30, 29, 28, 27. Oh my god! Ça, c'est chiant. Mais cette macro-là est importante, par exemple, c'est la pacification des Berserk. Genre, c'est vraiment chiant qu'il marque les secondes, là, mais en tout cas, si c'est ce que je pense, là, c'est quand qu'il... Ouais, c'est ça, c'est quand le Warrior V Berserk, quand il a terminé d'être Berserk, là, il peut plus utiliser d'habilité pendant comme un temps de secondes, sauf que ça se cure, ça se Izuna par un White Mage. Oh. Fait que là, il veut s'assurer que le White Mage est prêt, qu'au moment où son Berserk finit, il enlève le truc pour qu'il peut continuer à faire son dégât, dans le fond, parce que c'est le tank, là, normalement, ça devrait être le tank. Fait que, non, ça, c'est utile, là, pour la résurrection aussi, c'est bien pratique, parce que si t'as deux healers dans un party, s'il y a quelqu'un qui meurt, puis les deux claquent leur résurrection en même temps, les deux vont perdre toute leur mana, puis il y en a juste une qui va passer. Fait que tu mets ton micro pour dire « I got this », genre, pour dire « Je l'ai parti », fait que là, l'autre, il apporte pas. Ça peut être... Ouais, normalement, ils perdraient pas leur mana, mais ils pourraient perdre leur suffice, par exemple. En tout cas. Pour ça, c'est quoi l'affaire avec le Berserk? Parce que si je regarde l'habilité, dans le fond, elle t'empêche pas de faire autre chose. Oui, quand c'est fini, à moins que ce soit d'autres choses. Mais il y a une habilité de Warrior que quand elle a fini, là, tu tombes en pacification pour genre 15 secondes. OK. À moins que ça n'existe plus. Depuis Stormblood, il y a eu beaucoup de changements. Là, j'ai l'impression dans les habilités. Que ça n'existe plus parce que l'habilité Berserk, comme elle est actuellement, c'est que quand tu l'utilises, tu as plus d'attaque pendant 20 secondes, puis elle apprend 60 secondes à recharger. Ah ouais. C'est tout. Mais c'est peut-être d'autres choses, mais c'est peut-être fini aussi. Ouais. Ça était peut-être différent avant. Ouais, ouais. Parce que c'était bien important. Le Narfi comprend plus rien. C'était ça, c'est le fun, FF14. Ça a l'air vraiment plus compliqué que je pensais et ça a l'air de favoriser le team play. Oui, mais c'est pas si compliqué que ça. Ça favorise le team play, mais... Je m'en doute, mais... C'est vraiment un jeu pour les casuals. Là. C'est vraiment pas si... C'est du grinding, comme... Un haut plafond, mais il y a un bas plancher aussi. C'est probablement un des meilleurs MMO pour commencer. Mais il n'y a pas vraiment de grinding. Juste pour leveler, tu fais surtout la quête principale, puis l'histoire est vraiment cool. C'est comme un Final Fantasy, t'as vraiment une histoire, puis tout, fait que t'as pas vraiment le sentiment de grinder. Mmh. Et ça, le moment où tu vas grinder, c'est peut-être quand t'es au dernier niveau pour avoir comme le meilleur gear de tout le monde dans le serveur. Parce que sinon... Le gathering, peut-être qu'il faut que tu le... Oh, Sean qui nous écrit. Allô, Sean nous écrit « Oh, merde! » à mon message de tantôt qui disait « On fait le podcast. » Oui, je pense qu'il nous a oubliés. C'est pas grave, Sean. Mais, ouais, non, c'est ça. C'est un jeu qui fait que tu t'en rends pas compte quand tu grindes, parce que tu t'as préféré l'histoire, là, genre, il y a des trucs un peu plus lourds, là, mais globalement, non, mais c'est pour ça que j'aime ça, j'aime pas ça grinder, là. Fait que, c'est pour ça que j'aime ça, Final Fantasy XIV, parce que tu le sens pas, là. Moi, c'est pas joué... quand j'ai joué 3 ans à Clicker Heroes, j'ai jamais grindé. Tu joues tout le temps au même jeu, fait que tu peux pas chialer que t'aimes pas le grinding. J'ai grindé une fois dans Heroes of the Storm. Il y avait une affaire qu'il fallait faire des quests de je sais plus quoi. Puis là, les gens, ils disaient « Oh, la meilleure manière, c'est de faire des games versus AI. » Les games de ma vie, c'est tellement plate. Surtout que t'es pogné avec un groupe qui veulent tout comme maximiser l'XP, fait qu'ils jouent comme bizarre poche. Ah, OK. Ouais. Oh my God. Ouais. Mais si vous jouez en ce moment à Final Fantasy XIV, il y a un événement crossover avec le jeu Yo-Kai Watch, qui est comme le nouveau Pokémon moderne du Japon. Ouais, ça fit pas en tout. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, mais tu peux avoir plein de petits pets de Yo-Kai, plein de petits Yo-Kai dans le fond comme minions là, qui peuvent te suivre après ça. Ils sont tous mignons parce que c'est des Yo-Kai de Yo-Kai Watch qui sont vraiment tous trognons. Puis, si tu grindes, ça, c'est un peu du grinding, là, mais tu peux obtenir des armes mathématiques yokai qui fit vraiment pas dans le jeu parce qu'ils sont vraiment trop cartoon, mais ils sont cute. Fait que ça a lieu en ce moment jusqu'au début novembre, je pense. C'est comme des montures, des compagnons que tu peux avoir, genre. Ouais, si tu ramasses tous les compagnons, tu peux avoir la monture qui Whisper de Yokai Watch, qui est comme le premier yokai que tu rencontres, je pense. Fait que c'est comme une grosse boule blanche, grosse doudou blanche que tu peux te promener dessus. Wow! Pour avoir toutes les pets, c'est pas trop de grinding, mais pour avoir les weapons, c'est un petit peu. Mais c'est trop mignon. Est-ce que c'est comme un mode Pokémon, genre? Non, vraiment pas. C'est pas comme ça. Moi, j'ai appris ça cette semaine. Ça a été cool, mais... J'ai regardé un autre gars jouer à... Il a commencé à jouer à World of Warcraft, là, parce qu'il voulait l'essayer un peu. Oui, à ce temps, il y a un mode Pokémon. Il y a... Tu peux chasser des Pokémon, attraper des Pokémon. Ben, moi, quand j'ai joué l'été passé, là... J'étais comme, wow! Je sais pas si vous vous rappelez l'été passé, j'avais comme recommencé à me builder un PC parce que j'étais plus capable de jouer World of Warcraft, puis je voulais comme l'essayer, là. Mais j'ai passé la moitié de mon temps à faire ça. À les attraper partout. Yep. C'est tellement le fun! Bon, eh bien... Qu'est-ce qu'un jeu persistant comme World of Warcraft peut pas inventer pour que les gens continuent et continuent à y retourner jour après jour? Ben, y a-t-il un jeu de cartes dans World of Warcraft? Non, mais check les bains mettre Hearthstone, par exemple. Il y a un jeu de cartes dans Final Fantasy XIV, by the way. Peut-être qu'il devrait faire un... Parce qu'il y avait... Il me semble que j'ai entendu parler que, genre, il y avait dans Witcher puis dans Rage. Ah ouais, dans The Witcher, oui, mais il y a Gwent. Ouais. Fait que tu pouvais comme... Dans Rage, je pense que tu pouvais faire des courses de chars, puis là, ça donnait des cartes. Puis tu pouvais jouer à un jeu de cartes. Moi, j'apprécie des jeux qui font ça. Genre, le meilleur jeu de cartes, moi, c'était Pokémon au Game Boy Color. Man, Pokémon au Game Boy Color, tu pouvais jouer le jeu de cartes de Pokémon. Ah oui? La manière était super cool. Genre, tu battais les joueurs, puis là, ils te donnaient un pack, un booster pack de leur sorte. Fait que là, tu pouvais le battre plusieurs fois pour avoir plusieurs booster packs. Fait que c'était comme avoir des booster packs gratuits, c'était trop cool. Prime, c'est que jouer à Pokémon Trading Card Game de 1, c'est pas le meilleur jeu de cartes du monde. C'est pas si fun que ça, mais j'ai une coupe de deck, là, j'essaie un peu, là, mais pas si le fun. Puis de 2, jouer en Game Boy Color, ça va pas bien. Parce que il y a beaucoup de choses à mettre sur un tout petit écran, fait qu'ils sont obligés de mettre le texte en bizarre tout petit, puis il y a comme plein de boutons. Puis t'as la face collée dedans pour comprendre. Ouais. Eh bien, sur ce, c'est ce qui termine ce fabuleux podcast délicieux de On a juste une vie, dont la qualité rivale presque mon chauffe-orteil Alienware. 200 je sais pas combien de watts. Il va bientôt être remplacé. Mais ça va pas l'épisode de la semaine passée qui était vraiment very good. Ah, l'épisode de la semaine passée était very good. Oui. Very good. Alors, pour plus de podcasts very good et délicieux tels qu'un chauffe-orteil Alienware, allez sur onajusteunevie.ca. Un chauffe-orteil à 1200 piastres. Non. L'ordi, il chauffe pas. Mon ordi est jamais c'est chaud. Vrai. C'est vrai, ton ordi chauffe. Ah, ok, là, je mets ma main dessus, il est un petit peu. Genre, il est tiède. Genre, je sens sa chaleur humaine. Son cœur bas. Son cœur d'alien. Ouais, exactement. Ah, oh, mon Dieu. La vidéo de Alienware qui te montre comment démonter ton ordi, il appelle ça un autopsy. Puis là, j'étais là comme... c'est quand même pas si pire. C'est quand même drôle. Alors, faites vous abonner sur iTunes et YouTube. Et on vous promet de ne pas vous faire cringe comme ça. Comme faire des autopsies. On est aussi sur l'entredugeek.net. Yep. Et si vous pouvez nous écrire à info@onajusteunevie.ca à email. Cette technologie digne de 2012. Digne de la carte graphique à blob. Bon, on va vous répondre pareil. Ça, c'était gratuit. Merci à Marie. Et merci surtout à Blob. Cette joke de caca. Ça me dérange pas, je sais qu'il y a une carte. Ça peut pas être pire que la mienne. Et on se retrouve la semaine prochaine. Parce que on a juste une vie. Juste une vie. Et on la passe à démonter les changer de deux petites composantes de fil. Ben, il faut ce qu'il faut. Pour trouver c'est quel le bon fil. Le Sato. Ça t'a surpris quand tu l'as trouvé, hein? Pas mal. Pas mal. Ça marche pas, ça? Oh, ben là, là. Good podcast material. Pictures of animal beginning with letter X. Animal A to Z. X-ray tetra. C'est où? Proverge. Site suivant. Le Xanthus. Le Xenarthra. Le Xenops. C'est un oiseau. Le Xenarthra, on dirait le... Comment ça s'appelle la bibitte, là? Qui est un Sonic the Hedgehog, mais pas... Un équidné. Qui se met en boule, puis qui roule. C'est un équidné. Ben, il y a les Knuckles. Ça a l'air que le... Ça a l'air que non. Ben, en tout cas, il y a une bibitte, là. Ça a l'air d'un équidné. Mais ça s'appelle un Xenarthra. Et il y a le Xerus, qui est un écureuil. C'est comme... OK. Le Xenacanthus sp is une sorte de requin. SP point, ça veut dire species. Fait que ça veut dire que Xenacanthus c'est son genre. Puis là, ça inclut toutes les espèces dans ce genre-là. Merci Anne-Marie. T'as juste dit sp. Je suis là, attends un peu, qu'est-ce qui... Ah, SP probablement. On peut toujours compter sur Anne-Marie pour nous dire qu'on est épais. Je m'excuse. C'est très apprécié. J'ai appris des choses. Oui.